sera pas très long. Oh, plus d'électricité à Québec. Oh. À Québec? À Québec. Fait que c'est le temps de parler contre le monde de Québec. Non, ils ont, les laptops marchent encore. En tout cas, Ntawa, il est là. Je sais pas comment ils... Ouais, il est peut-être sur son cellulaire. Non, il est sur son cellulaire, je pense. Là, ouais, là, c'est vos micros qui sont pas... Alex, ouais. Pardon un petit peu, ouais. Check mes balls, Chris. C'est le dernier commentaire. J'ai pas dit ça juste comme ça. Si. Je te trouvais un peu cru. OK, tapeur, je vais faire une coupure. Donc, re-bienvenue au Geek Collectif, là où nous piégeons vos sujets dans le sac à sujets. Non, c'est pas trois bières qu'on écoute. Allô Yannick, allô Pierre-Luc, allô Marilyn. Non, vous n'écoutez pas trois bières, vous écoutez bien et bien le Geek Collectif, le podcast en direct de L to the A to the V to the A to the L, Palindrome Laval. Palindrome, c'est un mot à l'envers, hein, ça? Ouais. On s'ennuie de Gilles Vaillancourt. Comme Civic, puis Laval, tu sais que ça... Ouh, hey, j'ai jamais pensé à ça. Attends, Civic, c'est un palindrome? Hey, on vient de l'apprendre. Fucking hell. Puis ça fit avec Laval. Milton, tu es un puits de savoir. Oui. Donc, accompagné de Jonathan Milton, oui. Comme à l'habitude. Également accompagné de FIA Superstar Guillaume Hamel. Represent Alma, la ville de l'hospitalité et de la joie continuelle. Et de la draft qui fait seul molle. Qui, ou... la, qui coule à flot. Le sel ou la draft? des jokes de sel. Des moments de même, je m'ennuie de Nick. Il était bon là-dedans, les jokes de sel. Ouais, ouais. On partit du sel comme étant le terme scientifique de notre chose? Pas du NIMH. OK, c'est ça que je pensais. NIMH? Ouais. Ça, c'est le symbole scientifique du sodium. OK. NACL. Je cherchais NIMH. Non, NIMH, c'est batterie. NACL. Ouais, NACL. Corrigez-nous sur le chat, c'est pas grave. NACL. Ouais, c'est NACL. Moi, je pensais que t'as des plaies mardes. Tu sais, pis non. Ouais. Accompagné également de notre anglophone / francophone / italien de service. Bonsoir. Salut, Alex. En passant, le mot palindromique, le plus long, c'est tataratap. Fait que. C'est ça que. C'est ça qu'on a mangé tantôt. Milton, je t'enlève ça ton puits de savoir. Ça se mange, ça, c'est quoi? J'ai aucune idée c'est quoi, mais ça sent bon. Oh. Si t'as un puits de savoir, lui, il y a un gouffre de savoir. Donc, vous écoutez Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion francophone / des fois bilingue, hein, Alex? Des fois, oui. Des fois, oui. À saveur pop culturelle. Donc, ce soir, un petit épisode. Je reviens de vacances, puis on n'a pas trop de sujets de préparer. Donc, on a été paresseux. On vous prépare un blitz. Donc, vous nous avez envoyé plusieurs sujets, vous avez été généreux avec nous, plusieurs thématiques, donc on va essayer de leur répondre ce soir en débattant de chacun de ces points. Mais tout d'abord, une éternelle tradition du collectif, on le fait même quand on a des invités puis on veut les négliger pendant au moins une demi-heure. On va faire un tour de table et on va aller voir l'actualité, braves gens. Donc, qui est-ce qui se mouille en premier ce soir? Ben... Milton, j'adore partir. Guillaume, c'est Guillaume. Je vais y aller. Vais il y aller. A parlé en premier. Guillaume veut y aller. Je vais y aller. Donc, mon actualité, ceux qui ne savaient pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été sur Internet dans les deux dernières semaines, j'ai représenté le Geek Collectif au podcast All-Star dans le cadre du Festival d'Internet d'Alma qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Donc, en gros, Joël Martel, le Godfather de l'Internet du Québec, décidé d'inventer un festival d'Internet à Alma. C'était la deuxième édition. Et cette année, on avait... il avait décidé de diversifier le produit et au lieu d'amener juste des... On pourrait dire des... Je veux pas dire des pseudo-vedettes, même si c'est ça que je viens de dire, parce que ça pourrait sonner un peu péjoratif, mais il a décidé d'amener des conférenciers différents. On avait Jean-Philippe qui parlait de cybersécurité. Il y avait Martin qui parlait, Martin Nollet, si ma mémoire est bonne, qui parlait de... du droit dans l'Internet, exemple Uber X, Airbnb et compagnie. Et il y avait aussi le podcast All Stars, qui est un projet de Benoît Mercier, qu'on connaît aussi des Mystérieux Étonnants, qui est, que j'ai appris à connaître ce fin de semaine, qui est un très chic type, et j'ai aussi appris à connaître plusieurs autres personnes. En gros, Podcast All Stars, c'est une émission spéciale qui arrive une fois par année, qui regroupe plusieurs protagonistes de la scène du podcast québécois. Et cette année, ça prenait un format où il y avait 4 volets. Donc un volet au début avec Joseph Elfassi, qui est une personne quand même assez influente dans les internets, même s'il n'y a pas nécessairement de podcast ou de vlog, qui a beaucoup de projets. Il a travaillé beaucoup dans le temps avec Bombe.tv, il travaille maintenant à la télévision, il travaille maintenant aussi pour Vice Québec. Et il y avait aussi plein de... Le Voir, puis... Le Voir un peu moins, en tout cas, il n'en a pas parlé du tout en fin de semaine, mais peut-être qu'il y a encore un peu. Il y avait... des gens de Fun Jouer Jeu, il y avait les gens de les Big Bois, Décideret, Bande Passante, là, le groupement d'amis qui sont pas mal tout le temps en train de faire leur projet ensemble. Il y avait On n'a pas honte, il y avait Alexis Cornelier de La Pomme. Donc on était une groupe, j'en oublie sûrement, il y avait... Sébastien Bouchard. Oui, Sébastien Bouchard de Fun Jouer Jeu qui était là. Il y avait, je pense, si ma mémoire est... Simon Prêche de VHS aux oubliettes, quelque chose dans le genre. Mmh. Il y avait beaucoup de monde. Je suis sûr que j'en oublie, puis je m'en excuse. Le lien est sur la page Facebook du collectif. Oui. On va pouvoir également le mettre sur le site web pour donc, les gens qui veulent l'écouter. Il y a un aspect, il y a une copie vidéo. Le son est pas très bon parce qu'il est juste dans le canal gauche. Donc, si vous l'écoutez, il va sortir d'un bar seulement. Pourrais-tu me répéter le canal gauche, le s'il te plaît? Canal gauche. Merci. Gauche. Mais sinon, sur le site des Mysteries Étonnants, il y a la version très belle qualité audio. Là, donc, on entend tout le monde dans nos voix sensuelles. Surtout pas la mienne, mais les autres. Donc, il y avait ça. Il y a Arrête, Guillaume, ne sois pas dur avec toi-même. Tu as la voix très sensuelle. Tous les messages qu'on reçoit sur la fanpage, mettez la voix sensuelle de Guillaume en valeur. Puis nous autres, on est non, il va tout prendre le show si on fait ça. Fait divers, un fan sur trois du collectif demande, voire même exige de se faire appeler à 3h du matin par Guillaume pour qu'il lui susurre des mots doux à l'oreille. On mettra ça comme goal sur notre Patreon. Pour susurrer, je peux m'arranger. C'est lui qui fait mon répondeur sur mon cellulaire. Bonjour, vous avez bien joué à l'S. Anyways, donc c'était honnêtement c'était fort et mémorable. Je veux dire, il y avait beaucoup d'humour, un humour qui était vraiment avec une grosse influence web. Il y avait Mathieu Cyr qu'on connaît de ses animations à Télétoon la nuit, qui faisait partie de Sexe Illégal, semblerait-il. Mais c'était excellent. Et l'année prochaine, si vous avez 5 heures de route à faire, je vous conseille vraiment d'aller au FIA. Il va y avoir une troisième édition et les rumeurs disent déjà que je vais être conférencier et il resterait que Milter aussi, peut-être. Hein, serait peut-être. Là. Mais Milter, c'est une diva. Faut qu'on mette bien d'argent. Moi, je te promets une chose. Je ne serai pas conférencier, mais par contre, je vais y assister l'année prochaine parce que fait comme c'était... Mon maudit voyage est en même temps, puis j'ai pas pu y aller. Puis merci, Guillaume, en passant, de la part de toute l'équipe. T'es le rookie, tu rentres, t'arrives, ta dédication est toute à ton honneur. T'as pris la route. On va te faire un slow clap. En fait, on va débuter avec un slow clap pour aller vers un golf clap, pour ensuite revenir avec un slow clap. On le rajoute juste au montage, c'est compliqué. Non, parce que à chaque fois que je dis ça, je fais quoi? Tu le fais pas. Un golf clap? De la rigueur. Oui, golf clap, c'est... Non, je sais c'est quoi. OK, slow clap. Ça aussi, je sais que c'est quoi. Golf clap. Je t'ai tout fourré. On vous donne le clap. Non. Slow clap. Too dark. Oh, ça c'est quoi? Slow clap. C'est, okay, ouais, bon. C'est ça, Guillaume okay, merci Guillaume de t'avoir dédié pour l'équipe. Bien à vous. Excellent. Milton, je pense que tu avais une actualité savoureuse pour nous cette semaine. Oui, très actuelle en plus, parce que hier, je me suis couché très tard, mais pas tant, mais assez, pour un jour de semaine, parce que j'ai downloadé à minuit pile, je l'attendais, Mega Man Legacy Collection. Pour un beau 18$ sur Xbox One. D'habitude, j'attends mes jeux un peu gratis, si on peut dire. Là, j'avais mes Assassin's Creed dernièrement, Metal Gear. Mais là, celle-là, je l'ai acheté parce que j'étais un fan de Mega Man. Puis je me dis, si on lui donne de l'argent, peut-être qu'il va revenir plus souvent, tu sais, ou quelque chose de même. Puis pour 18$, j'avais les 6 jeux de Mega Man parfaitement refaits. Pas refaits, mais je veux dire identiques, émulés. La seule affaire qui est refaite, si on peut dire, c'est qu'il n'y a plus des petits bugs de contrôle, c'est smooth, il y a des modes rajoutés, que c'est des modes remix qu'ils appellent, que c'est comme des challenges de plein de jeux mélangés. Avec des Doritos, du Mountain Dew, puis ouais, des Air Horns. T'as Snoop Dogg qui sort de temps en temps, puis qui fait son petit move de doigt. Mais c'est vraiment... ça serait fou pareil, ça, MLG remix de Mega Man. Mais tu me donnes des idées de montage vidéo, là. Mais tout ça pour dire que j'ai acheté ça, puis c'est... gars, je vais me taper les 6 Mega Man en ligne encore une fois, plus les modes remix. Moi, c'est comme... tu me donnes Mega Man avec des achievements. Je pouvais pas... On vient de perdre Melter pour les deux prochains épisodes du podcast, là. Ben, je vais parler que de... ben, peut-être même les 6 prochains, parce qu'il y a 6 Mega Man. Fait que je me dis, tu sais, je pourrais en parler de un à chaque épisode pour les 3 prochains mois. Pour vraiment, tu sais, garder le monde diverti. Tu pourrais également ne pas faire ça. Je pourrais également ne pas le faire, mais... on mais dire que tu l'as fait. Aussi. Puis le monde sont mindfuck, puis écoute les épisodes d'avant. Je suis bon pour ça, dire des choses que j'ai faites que j'ai pas vraiment comme faites. Comme tes tattoos sur tes knuckles. Mais ouais. Que, ça, c'est juste parce que c'est long. Qui était un palindrome. Oui. Oui. Est-ce que je vais faire ça à la place? Tatatatat. J'ai-tu assez de doigts? Internet, attends. Internet, ouais, mais son taratatatat. T'es en train de chanter la toune de McDo? C'est pas compliqué. Donc, fait que Milton, Megaman. C'était ça, c'est Megaman, c'est le gars. On l'achète-tu? Je trippe sur Megaman. Si t'es un fan de Megaman, oui. Parce que tant qu'à t'acheter les jeux rétro, genre juste le 5, j'écoutais Rétro Nouveau aujourd'hui, épisode 26, puis Dom Bourret parlait de Mega Man 5, si je me trompe pas, qui a payé quelque chose comme 50 ou 60 piastres. 125. 125? Ou ça vaut 125, je pense. Ou peut-être ça vaut ça, puis lui, il l'a payé moins cher. C'est Dom, il a ses plugs, puis ses talent bargain, puis je pense c'est qu'il c'est tombé en arrière d'un truck. Ouais. Le gars, il avait ça dans sa valise d'achat. Mais sur ça, la technique de Dom, tu sais, c'est qu'il terrorise le monde en disant « Hey, moi, je suis papa cassette, puis il m'a ramassé sur les internets. » Donne-moi ça tout de suite. Non, ouais. Shout-out à Dom, t'es un gars super smart. Vrai, Dom ne démolit personne. Dom, c'est un gars cool. Il y a quand même Ben Gagnon dans son équipe, là, j'ai vraiment peur. T'as écouté l'épisode aussi. Ouais, si on dit des affaires mal, là, Big Bad Ben va venir nous casser la gueule. Mais non, mais tout ça pour dire, il l'a payé quand même un bon prix, puis ça vaut plus cher que c'est, mais juste pour jouer avec, là, puis avec... des beaux petits contrôles. Moi, avoir juste l'icône Mega Man, ma Xbox, là, dans le Windows 10 de la Xbox, là, c'est parfait pour moi. Là. C'est comme, yes, sa petite face est là. Puis je peux jouer avec en plus. Puis ce qui est cool, six, en plus. Les 6. Ce qui est cool d'avoir l'icône dans le Windows 10 de ton Xbox, c'est que Microsoft a partagé avec tout le monde que t'avais Mega Man. Ouais, tout le monde le sait. Tu sais, non seulement toi, t'es au courant, tes amis sont au courant, mais Big Brother est au courant. Là, je me fais suggérer du Mega Man Porn quand je vois sur Google tout de suite. Premier, je marque M, pouf, Mega Man Porn. C'est comme. Je comprends plus. Juste quoi, j'ai pas hâte d'avoir un Charge Blast de Mega Man Porn. Alex, toi, cette semaine, t'avais-tu fini, Melter, ton Ben vite. Juste dire un petit shout-out à Mathieu Bonin qui a commencé son show hier. Passer des internets à la télévision. Quel move. Fait que... Ça, c'est un golf ou un slow clap? Non, ça, c'est... Non, mais... Ben, je suis content pour lui, pareil. Parce qu'on a eu la chance de jaser dans l'épisode, puis c'est un bon Jack. Il nous parlait de ses lignes ouvertes quand il est venu, que c'était un peu un rêve qu'il avait avec l'autre, là, Fabi, la nuit. Puis tu sais, il disait, moi, je veux ça, là, si t'es pas à radio, là, t'es à TV en ligne ouverte. Il a son show de rêve qu'il voulait, on verra que ça donne, puis le monde troll en masse pour l'instant, fait que si ça peut devenir du monde qui troll d'une façon drôle en plus... ça pourrait devenir intéressant. Quand c'est pour notre divertissement, le trolling, c'est correct. Ouais. Quand ouais, c'est là, juste ça plate. Devient, ça devient des blagues. C'est plus vraiment du trolling, tu sais. Ça dépend. C'est, en tout cas, ben, c'est pour ça, quand c'est mal servi, puis je parle pas de Bonin, je parle du monde qui troll. En tout cas, quand ben moi, je sais même plus c'est quoi du trolling. Non, c'est vrai. N'importe quoi, c'est vrai. En fait, si je me fie à Wikipédia, je comprends pas c'est quoi Internet. Si je me fie aux Cubains qui viennent d'avoir le droit d'aller sur Internet, je suis mindfuck, là. C'est quand même eux autres, ils arrivent dans le meilleur temps d'Internet parce que si nous autres on est mélangés, j'imagine pas un pauvre Cubain qui est à côté d'un café Internet avec son laptop pis qui tombe sur Reddit /Blue Waffles. C'est tout du nouveau. C'est tout du nouveau. Ils vont tous vivre ça un jour à la. C'est-tu quoi finalement? Ça doit être majestueux de voir ces pauvres Cubains tomber sur un subreddit / SpaceDix ou quelque chose de même. Ah, c'est comme 1995 all over again. Là. Ouais. Mais juste plus rapide. Ouais, malgré que l'Internet là-bas, est-tu vraiment plus rapide? Ouf. Pas sûr. Faudrait aller taper un épisode spécial Geek Collectif Cuba. Je pense qu'on va partir un Patreon pour ça, puis si on se rend à 800$, on fait ça. On peut pas y aller. Non, effet. On paiera le reste de notre poche. On paiera le reste de notre poche, parce qu'on est dédié à notre art. Ouais. Si on peut appeler ça de l'art. Alex, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi dans les dernières semaines? Pour mes actualités, j'ai découvert que le mot palindronomique qui est le plus long, c'est tataratat. C'est très intéressant. À part ça, finalement, j'ai acheté Elder Scrolls Online. J'ai deleté Eric Hébert de mon PSN. Pourquoi tu l'as enlevé? Parce qu'il oublie lui. Je ne veux pas jouer avec lui. Je ne voulais pas jouer avec moi, puis je ne vais pas jouer avec lui. Fait que j'ai installé le jeu. J'ai fait un peu de recherche de comment ça marche comme jeu, mais c'est très simple. C'est super simple, super beau. J'adore le jeu, puis j'ai eu la chance de jouer avec Monsieur Pasquino. Monsieur André. Monsieur Eric, on a eu la chance de jouer ensemble. Avec Marie Bergeron aussi également. Oui, effectivement, Marie Bergeron, qui est déjà niveau level 30, déjà. Fait que, oui, puis on avait des donjons ensemble, c'était super le fun. Le jeu, comme jeu, c'est très bon. La seule chose que je peux dire que j'aime pas, c'est chaque zone, il n'y a pas vraiment une différence entre chaque zone. Il y a forêt, puis forêt. Puis forêt un peu plus mort, désert, puis forêt. Quand je jouais World of Warcraft, chaque zone était comme quelque chose de spécial. Un forêt mauve. Forêt verte. Mais tu commençais dans une forêt normale, puis après ça, il y avait le forêt genre Tim Burton, spooky, puis après ça, tu avais plusieurs d'autres scènes. Mais pour les gens qui veulent voir aussi, on avait streamé la dernière fois, donc je pense sur le Twitch du collectif, on va avoir notre joute où on jouait du drum en tant que groupe de hair metal celtique en avant de la grotte avant d'aller faire notre quest. Avant de faire notre première donjon ensemble. Ouais, ouais. Puis je te dis, puis ça c'est genre le but de mon chose, c'est on avait un donjon ensemble, puis j'ai remarqué que c'est it's better with friends, comme toutes les choses, comme Vegas, puis n'importe quoi. Des orgies, n'importe quoi, c'est mieux avec les amis. Puis, j'ai d'autres mondes au job qui ont des jeux, qui jouent des jeux, mettons League of Legends, Hearthstone, que j'ai commencé un peu à recommencer à jouer à Hearthstone. Puis, des fois, j'aimerais jouer avec d'autres mondes, mais ils sont déjà comme genre max level, veteran 5, etc., etc. Vous autres, quand tu veux rentrer dans un jeu avec tes amis, est-ce que tu trouves que c'est un peu difficile quand toi t'es level 1 puis eux autres sont max level, puis après ça c'est comme genre un race pour avoir le max level juste pour jouer le comme endgame content? Ben, ça dépend. Regarde, moi, c'est sûr, t'as eu l'expérience de jeu avec moi, Elder Scrolls, où vous étiez level 12, puis je suis rentré dans le jeu, puis t'as vu un peu comment je joue. Fuck l'histoire, fuck le texte, fuck le lore. Fuck le texte, hashtag fuck le hashtag texte. Hashtag fuck le texte. Alex était surpris parce que moi ça me dit, va parler à lui. Tu sais, en fait, t'as deux manières de jouer à Elder Scrolls. T'as la manière, ah non, les vilains elfes de telle place ont volé le tome des âmes de telle personne. Va parler à ma belle-sœur. Là, tu parles à la belle-sœur. J'avais le tombe des âmes, mais le vilain sorcier de la colline m'a enlevé. Faudrait que tu tues 5 loups pour aller faire un rituel dans le cimetière en arrière du château. Va tuer les 5 loups, peut-être. Moi tu joues, c'est ça, tu sais, exactement. Puis t'as ma manière de jouer, que c'est t'arrives, puis tu pèses sur le piton, fuck le texte, waypoint, tu vas au waypoint, tue le shit, reviens. C'est écrit de toute façon, en même temps, t'as le waypoint, puis c'est écrit 0 out of 5 loups killed. Honnêtement, regarde, quand me disent tue 5 loups ou que je tue 5 loups, je vais tuer anyways en marchant. C'est même pas ça, c'est même pas un jeu que kill 5 this, collect 5 this. C'est pas comme ça. C'est pas, World of Warcraft, c'est comme genre exagéré. J'étais pas obligé de tuer les loups. C'est parle à tout le monde, tue deux personnes dans 30 minutes, c'est un I don't know how I feel. Moi, je faisais l'inverse. Je tuais 30 personnes, puis je parlais à deux en personnes. En deux minutes. Puis... Oui, mais il y a des mécaniques. Tu peux voler, tu peux tuer n'importe qui. Il y a un bounty. C'est intéressant comme jeu et c'est un peu différent. Moi, j'ai joué World of Warcraft, Guild Wars 2, puis Elder Scrolls, puis ils sont assez différents entre les jeux. Puis des casuals, c'est pas pire comme jeu. Mais le but, c'est de leveling up avec des amis ou avec des personnes que tu connais versus catch up pour avoir le max level pour jouer avec quelqu'un. Moi, je peux même pas commencer League of Legends à cause de ça. Parce que tous mes amis, max level. Moi, je te comprends. Fait, moi, je serais toute seule pour l'expérience du jeu. Moi, les joueurs de League juste of Legends, pour, dans deux mois ou un mois, pour attirer max level après 60$ de whatever. Moi, je joue même pas à ces jeux-là tout seul. Fait que c'est comme, tu vas me perdre si... Tu sais, je joue avec un ami, je joue à Neverwinter, exemple, qui est un peu similaire quand tu y penses. Tu joues, OK, on fait des missions, on est rendu level 10 ensemble, tout, OK, je te repogne demain, là, faut que je m'en aille. Lui, il décide, il continue à jouer, là, le lendemain, j'arrive, il est level 18, je suis encore level 10, comme, ben, je peux plus jouer avec toi, on n'est plus capable de faire une mission ensemble. Fait que là, ton chum, il revient, Grand Theft Auto moi, Online, j'ai plus le goût de jouer, ou... Est-ce que c'est la même chose avec Grand Theft Auto Online, ou c'est Grand Theft Auto Online, une fois que t'es level, je pense, c'est 12, tu peux faire... toutes les heists avec quelqu'un de level 200, là, tu sais, ou de quoi, fait que nobody cares. La seule affaire que ça fait, c'est que celle qui est level 200 va pouvoir unlocker le bazooka tout de suite, pis toi, il va falloir que tu joues jusqu'à level 30. Mais, vous êtes dans le même team. Fait que, rendu là. Il n'y a pas de restriction. Je pense que j'ai pas catché, parce que moi, tu vois, Grand Theft Auto Online, c'est genre, moi, dans ma maison cheap à 40 000 dans le coin de la ville, en train de fumer du pot pis écouter cartoon. Pis quand je sors, il y a un de mes chums qui a mis des landmines sur ma porte pis je meurs. Ben, il peut te tuer en mettant des lendemains en avant I de ta maison. C'est ça mon expérience de Grand Theft Auto. Ah, OK. Mais j'étais là, ça ne paraît pas avec les niveaux dans le sens paraît que... Il paraît que les heists sont vraiment écœurants. Ouais. Mais moi, j'écoute juste la télé puis je me gèle faut, la faut que tu ailles un appartement avec une heist room. Moi, j'ai juste une TV. Ah, ben c'est ça. C'est ça le problème. Fait que j'ai commencé avec Hearthstone. Je joue avec quelqu'un... Puis il est déjà comme, il y a toutes les cartes, toutes les Legendary, puis tout ça. Je suis comme, OK, j'ai gagné une seule fois. Bah, c'est pay to une win. Une sur trois, c'est bon. Mais Diablo 3, et c'est la nouvelle saison, je crois, vendredi. Puis ça, qu'est-ce que j'ai compris, c'est tout le monde recommence avec level 1. Dans cette saison-là, est-ce que Brooke sort encore avec Pierce? En fait, ou, dans le... dans quoi? La nouvelle saison de Diablo. Ça c'est-tu... Ouais, Ross... Ça, c'est malaisant un peu, par exemple. Ross mélange de saison de je pense que je me mélange avec Santa Barbara. It was a break. We were on a break. Le train est en train de dérailler. Les saisons, je ben vite pour Diablo, là. Ouais. Comment que ça... Les saisons, ça marche tous sur ces consoles ou c'est juste PC? C'est juste sur le PC. Ça n'est pas encore arrivé à console, mais supposément, ils parlent qu'ils vont voir ça. Est-ce qu'on achète Elder Scrolls, Alex? Oh boy. Tout. Moi, je suis un peu biased dans le sens que j'adore le donc le t'es univers, baisé. Mais je crois... quoi? Je suis basic. Non, je suis. I can't say it. Because I'm gonna say baisé. That's it. C'est biaisé. Biaisé. Ok. Voilà. Fait que je t'ai baisé. Puis est-ce que did I do it right? Just say it. Je can edit it. Ouais, non. Oui, le jeu est excellent. C'est un peu différent, mais j'approuve comme jeu. C'est 8 sur 10 au moins. Puis ça, c'est avec le... Pour les personnes qui ont commencé quand ça sortit, c'était pas bon. Ils ont changé beaucoup de choses dans le même style comme Final Fantasy. Ils ont comme vraiment refait le jeu. Ils ont écouté le public qui avait les commentaires. Puis... c'est beaucoup, beaucoup mieux maintenant avec le Tamriel Unlimited. Génial. Merci, Alex. Rendu un kart racing game depuis qu'ils l'ont refait. Ouais, ça. C'est avec des chevaux. Moi, tu vois, je suis allé au Festival Internet de la Caroline du Nord. Fait que j'ai conduit à peu près un 13 heures là-bas. Quand je suis arrivé, c'était bizarre, par exemple, parce qu'il n'y avait personne. J'avais loin de maison, puis j'ai fait de la beach. Fait que... En fait, c'est le Festival La Cure Internet. Non, dans le fond, je suis juste allé en Caroline du Nord. J'étais en vacances. J'ai joué à Fallout Shelter sur mon téléphone. Asti. Puis c'est ça. Props à Christian Bolanos. Hashtag Wi-Fi Hunter. Aussitôt qu'on arrive à un endroit... Je tiens juste à dire, je veux vous donner un truc parce qu'on a découvert un truc quand même assez intéressant. Quand vous faites de l'autoroute longue distance puis vous êtes en dehors du pays, des fois, vous allez croiser des autobus voyageurs. Les autobus voyageurs donnent du Wi-Fi à leurs clients. Donc, si votre voiture est assez proche de l'autobus voyageur, vous êtes capable de vous connecter sur le dit Wi-Fi et bénéficier d'Internet gratuit sur l'autoroute aux États-Unis pour actualiser votre Google Maps en absence de GPS. Donc, je vous donne ce petit truc-là très geek de voyage, mais les autobus voyageurs ont maintenant du Wi-Fi à l'intérieur, accessible gratuit. Ben, on a croisé 2-3, un qui était sécurisé, un qui l'était moins. On a, je pense que Christian a mis une photo sur son Instagram de l'autobus avec genre la connexion Wi-Fi qui était dessus. Donc, à partir du Wi-Fi de l'autobus, c'est un peu méta comme explication. Mais non, somme toute, voyage reposant, je suis parti là-bas, Christian, un autre chum Raku, un autre de notre chum Daniel là-bas. J'ai visité la ville de Washington aussi également. Je suis allé voir les monuments. J'ai fait du Bixi à Washington, ce que je n'ai jamais fait à Montréal. C'est un peu ironique. Mais somme toute... On visite un char. Oui, mais tu sais, c'est cool se promener en vélo, honnêtement. C'est un petit truc que je pense que je vais redécouvrir dans le coin. J'ai pogné un coup de soleil assez intense. Comme puis... Christian, dans le fond. Non, lui est juste devenu haïtien. Moi, en fait, j'ai pogné un coup de soleil. J'ai les épaules qui arrachent. J'ai l'air d'un grand brûlé. Là. Mais non, Fallout Shelter est un excellent compagnon de voyage. J'ai continué ma lecture de Armada d'Ernest Cline que je suis en train d'achever. Mais c'était pas mal mes actualités ces temps-ci. C'est fade, mais j'ai conduit, pris une brosse, lu un livre et joué à Fallout Shelter. Pas tout en même temps, mais c'est ce que j'ai fait dans les dernières semaines. C'est con, mais ça m'a flashé de quoi pendant que t'as dit « lis un livre » puis tout. Là, je suis d'accord que t'es en voyage avec des chums. Fait que c'est d'autres choses. Il y a du jasage qui se fait. Puis même que je suis surpris que vous avez pas fait un podcast de vacances. T'sais, genre enregistré en char, là-bas pour le fun. T'sais, sans être sérieux, comme qu'on fait là avec les micros installés. J'aurais là, pu. Juste mettre un micro, ça me surprend que vous avez pas pensé à ça. Ben, en fait, on a filmé, il y a Raku qui est en train de faire un montage parce que lui, il a filmé tout le long. Il a pris du footage avec une live cam sa caméra. C'est cool, puis la thématique est le mouvement. Donc, je vais avoir cette vidéo-là. Puis. S'il me le permet, bien sûr, ben je vais le partager sur la page du collectif, puis ça va être cool. Tu sais, ouais, c'est cool. Tu vidéo de voyage, là. Tu sais, c'est comme les diapositives poches que ta grand-mère t'a montré quand elle allait à Old Orchard, là, dans le temps. Là. Mais nous autres, bouge. Ça va être le fun, tu sais. c'est un peu ça, dans le fond. Ça va être l'avenir des diapositives. Mais non, ça m'a juste fait flasher, parce que j'entends beaucoup parler de ça, dernièrement, puis tu sais de même. Au lieu de lire un livre, là, t'aurais été tout seul, là, dans le char, là. T'aurais-tu pris un genre Audible? Un service de même, t'es-tu prête? Non, pas rendu là. J'y songe des fois, à place d'écouter des podcasts, je me dis, si je pourrais me pogner un livre audio des fois, tu sais, ou de quoi, qui dure 20 heures. J'ai de la misère avec ça, sais-tu pourquoi? Je suis pas sûr, moi. Parce que je détestais lire étant plus jeune. Je disais, ouais, ok, j'ai lu des graphic novels, des comics, des trade paperbacks, des affaires de même, mais je viens de rembarquer dans la lecture, ça fait des dernières années. Puis pour moi, c'est important. C'est important d'avoir le livre, c'est important le feeling, papier, le feeling, je trouve ça cool. L'avoir avec moi sur la beach, me tenir loin de l'eau, s'il pleut, le pitcher dans mon sac pour essayer de le préserver. J'ai besoin de ce feeling-là. Puis, tu sais, je sais que, justement, Ernest Cline, ses livres, c'est Will Wheaton. Wheaton. Mais il y a Will tellement Wheaton. De monde à cette heure qui tu peux quasiment choisir la voix que tu veux. Ouais, mais lire. C'est justement, j'aime mieux, c'est con à dire, mais... Ça travaille beaucoup mon imaginaire. Tu sais, je m'imagine une voix, je m'imagine un look, je m'imagine les personnages. Oui, ils vont te le décrire, mais tu sais, tu te fais tout le temps une image un peu dans ta tête, puis je trouve ça important. Fait qu'en voiture, là, c'est plus de la découverte musicale que je vais faire. Tu sais, quand je pars, comme là, j'ai conduit là, tu sais, des 14 heures d'affilée, on est arrivé aux douanes avec du Lord Larry Adjust, que le douanier américain qui se demande si c'est en anglais. J'ai-tu vraiment bien compris? Y a-tu différent? Oups, ça revient en anglais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai écouté plein de trucs, découvert plein de choses. Daniel, qui nous a hébergé à Washington, c'est un grand explorateur de SoundCloud. Il m'a laissé un paquet de beats à écouter. Pour moi, c'est ça, faire de la voiture. Puis même, sais-tu quoi? Je pense que je fais partie de la génération où je commence à être vieux, puis j'aime ça du silence dans le char en roulant aussi, puis juste penser. Ouais, ça puis il y a eu des moments où, justement, t'as pas un chat qui dit rien dans l'auto, puis on fait juste rouler, puis... Qu'est-ce que tu penses à du monde qui pense que live audio, pendant qu'il est sur la route, il perd le focus à cause de ça? Ben écoute, ça dépend toujours. Il y a des gens qui vont perdre le focus en conduisant puis en parlant au téléphone. Il y a des, tu sais, il y a toutes sortes de personnes. Il y a du monde qui vont drummer sur le volant pendant qu'il écoute la musique trop fort, il va perdre le focus. C'est ça. Moi, je pense que l'important, c'est de se connaître. de connaître ses forces et ses faiblesses. Puis si justement tu es du type à être distrait parce que tu te perds dans tes pensées, puis avec un audiobook, un livre audio, ben écoute-en pas dans le char, c'est peut-être pas l'endroit pour l'écouter. Par contre, tu sais, si tu es habitué d'écouter des podcasts ou des trucs comme ça, ben un audiobook pourrait être le fun. Mais tu sais, finalement, fuck les audiobooks parce que ça prend la place des podcasts. Fait que Will Wheaton, c'est un trou de cul finalement. Non, il nous vole la job. Malgré qu'il y a un podcast aussi, je pense. Oh. C'est que, hey, ça veut-tu dire qu'il faut qu'on se mette à faire des livres audio? Je pense qu'on devrait faire des livres audio. Shotgun, la série des Monsieur Madame. Ça va être un bon début. Moi, je pensais qu'elle disait genre, où est Charlie? Là? C'est encore plus. Il est là! Clown! Ah, mon Dieu. Il faut mettre le petit bruit de cloche quand on tourne la page. Hey, ça, c'était les livres de Walt Disney avec la fille Clochette. C'était cool. C'était le comment qu'il appelait ça? Pavlov, là, le chien qui bave, là? Plutôt? Non, ben plutôt. Non, mais le syndrome, le symptôme de. Tu sais, ils donnent. Pavlov, c'était la philosophie, là. Il donnait un chien, il faisait brosser une cloche. Puis là, ouais, toi, réflexe de Pavlov. Puis réflexe de Pavlov, il donnait de la bouffe au chien, puis il sonnait une cloche en même temps. Fait que là, Money, il faisait juste sonner la cloche, puis le chien auto-salivait, comme, parce que c'était dans sa tête, il y avait le réflexe de la bouffe. Fait que la petite cloche, c'était comme pour nous conditionner avec le réflexe de Pavlov. Puis un mono va tout entendre cette petite cloche-là, puis il y a comme peut-être de quoi de très dangereux programmé que des c'est un des thèmes principaux de Clockwork Orange, en passant. Oh! Le réflexe de Pavlov. Si j'étais bien plus profond que je pensais. Je pense que t'es allé... Il a repris son titre de gouffre du ouais, savoir. Ouais, finalement, je te redonne le gouffre du savoir, Milter. Toi, t'es redevenu le puits. Je suis vraiment déçu de toi, Alex. Ouais. Je m'attendais à mieux, puis... Puis... Je sais plus comment te faire confiance. Donc, sur ça, on va aller à la pause. Sur cette déception, on va aller à la pause. On va revenir éventuellement. Peut-être qu'un jour, on va refaire confiance à Alex, mais on va prendre un petit 5 minutes de ravitaillement. Et, Alex, c'est ton cours. On se ressource et on vous revient. Donc, où je voulais en venir avant cette intervention très pertinente, c'était que, dans le fond, on va prendre les sujets du public. Donc, c'est un épisode Blitz. On a eu plusieurs sujets qui nous ont été suggérés. Puis, sais-tu quoi? Les gens ont été généreux avec les sujets. J'avais dit 10 minutes, mais on va y aller en bas de 10 minutes. On va y aller à 7 minutes par sujet. Il y a eu beaucoup de sujets. Hein? On a eu quand même beaucoup de sujets. D'entrée de jeu, j'aimerais m'excuser aux personnes où nous ne parlerons pas de vos sujets. C'est pas une question qu'on vous juge. C'est pas une question qu'on vous aime pas. On adore tout le monde. Vous êtes tous égaux. C'est comme quand t'as plusieurs enfants, t'es aimes tous pareil. Même celui qui se bave dessus pis qui est pas bon à l'école. Donc... Lego my ego. Aucune idée. Il dit qu'il faut Chuck, il veut que tu dises Blitz comme Pierre-Luc l'a dit dans Trois Bières. Faut que tu le dises très vite, ça veut dire. Blitz? Je sais pas. Bang the Blitz? Blitz? Je sais pas. Écoute, garde le Blitz. C'est comme... en fait, le running gag, j'ai dit Blitz, puis j'ai pas pensé à Trois Bières, donc c'est un hommage à Trois Bières en quelque sorte. Ils ont affecté mon subconscient, c'est un beau clin d'œil. Merci Guillaume pour le beau patois à utiliser. Mais somme toute, offusquez-vous pas si on n'a pas pris vos sujets, on va essayer d'en passer plusieurs en rafale. Comme je mentionnais à la pause publicitaire aussi, il y a certains sujets dont on ne traitera pas ce soir. Notre but est d'être un podcast, on est gentil avec tout le monde, on est joyeux. Notre but, c'est pas de ramasser personne publiquement ou de démolir quelqu'un ou des choses comme ça. Donc, il y a certains sujets dont on va probablement s'abstenir. On a des trucs beaucoup plus positifs et créatifs à parler. Fait qu'on oublie le hate thread de Sonia Vachon. Fait qu'on parlera pas de Sonia Vachon, Minter. Est-ce qu'on parle de le film Top Gun? Non. Parce qu'il y a du monde dans... C'est le... seul sujet dans le bon, chat. Ben écoute, garde, comme Éric Salvay est un auditeur de longue date, on va y aller avec nos commentaires sur le film Top Gun. Donc, le premier 7 minutes, Éric Salvay, c'est de ta faute. Tu l'as demandé, ben on y va avec toi. Donc, 7 minutes à partir de maintenant. Vos commentaires sur le film Top Gun, messieurs? Est-ce que le mot homoérotique, ça se traduit en français? Homoérotique. Homoérotique. De l'érotique homosexuelle? Exactement. On parle d'un homme à moitié nu se frottant sur le torse d'un homme à moitié nu sur caméra. L'homme ici était un F-16. Dans une piste de volleyball. C'était les F-15. F-15. Les F-14. Mais est-ce qu'un high-five sur une beach huilée est homoérotique? Mais je dois dire que... Parce que je l'ai peut-être fait en Caroline du Nord. Fait. Ah, ce qui se fait en Caroline du Nord reste en Caroline du Nord, c'est ce qu'ils disent. André, c'est ça comment ça commence. Ça commence quoi? C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que Top Gun commence. Mais moi, je dois dire, Top Gun, un peu de volleyball. C'était une de mes premières... c'est ce qui a déclenché mes premières pulsions. Genre, hey, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai qu'il était vraiment cool, Val Kilmer. Non, parce que la scène avec la prof, la blonde frisée, là, et Tom Cruise, là, j'ai comme fait, oh, ça se ressemble à une femme tout nue. Ou en train de se dévêtir. J'avais 9 ans, je pense, 10 ans. Moi, je vais être très honnête avec toi. Tu t'en parles, puis j'essaie de m'en rappeler, mais j'ai comme... Je fais partie de ceux que Top Gun puis des pilotes en l'air se mélangent beaucoup trop dans ma mémoire, puis il y a des scènes que je me rappelle plus c'est quel film. Ben, je suis prêt à quasiment dire ça avec toi. Moi, je me souviens de l'avoir vu, j'étais jeune. J'ai 2 sœurs plus vieilles. Moi, peut-être que ça touchait plus les filles, là, à cause de Tom, puis tout, là, les Val, Tom, tu sais, je dis leur juste leur prénom nice. Parce que je suis jamais avec. Mais peut-être que eux autres, je sais pas, ma sœur regardait ça, là, puis c'était ben, ben bon, puis moi, j'étais comme, qu'est-ce que c'est? En plus, j'étais comme pas le genre de petit gars qui tripait ses avions. Fait que, C'est comme le contraire de moi, ça. Moi, je sais pas, ça me touchait pas pantoute. Comme tu dis, pilote en l'air, après, je trouvais ça drôle, parce que c'était drôle, tu sais, c'était une parodie de ça. Fait que tous les bouts, si on peut dire, que je trouvais intéressant, c'était là-dedans, là, dans un sens où zéro. Là. On s'entend que ça a été une influence d'une génération, Top Gun. Ben, ouais. Ça a été, tu sais, on entend Highway to the Danger Zone. Mais je comprends pas pourquoi. On replace le film. Ou la toune, là, le. C'est pas Push It to the Limit. Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est Danger Zone. Il y a aussi l'autre toune de guitare électrique. Non, ça c'est pas Danger Zone. Non, ça c'est l'autre chanson. Ça, je m'en souviens à cause que. Cette toune-là, là, était gratis le 4 juillet d'un moment donné à Guitar Hero, là, sur Xbox Market. Puis j'avais réveillé mon coloc en crissant ça dans le tapis, puis j'ai joué genre à genoux dans le salon. Moi, une anecdote de Top Gun que je peux vous conter, c'est que j'avais un magasin dont je m'occupais dans une municipalité que je nommerais pas, où j'avais une relation quand même assez friendly avec un des gars qui travaillait là. Puis lui, il avait convaincu quelqu'un d'autre dans le staff que moi, je tripais solide du Top Gun. Puis à chaque fois que j'arrivais au magasin, 30 secondes après, Top Gun se mettait à jouer puis je comprenais pas pourquoi. Fait que tu sais, ça a duré de même pendant des mois et des mois. Puis à un moment donné, j'ai fait, coudonc, pourquoi vous faites tout le temps jouer Top Gun quand j'arrive? Mais je vais faire une parenthèse plus sérieuse pour jouer mon personnage d'un peu du nerd du groupe. Correcteur. Pendant les vacances d'André, André a appris que je cachais un secret très profondément dans mon univers geek. Un peu à cause de mon père, je suis un geek d'avions de chasse, d'avions d'armée. Oh, OK. Mon père est un fan de trucs de l'armée en général, et moi, j'ai comme pris cet aspect-là. Puis André prenait des photos d'avions et d'hélicoptères, puis c'est un A6 de Skyhawk, puis ci, puis ça. Puis André était comme, OK, that's it. Ben, j'étais pas OK, moi, j'étais plus comme... Ça gosse le crisse de son. Oui, c'est fucking fort. Mais parce t'as pas entendu un Mirage, c'est encore pire. Ben, je sais pas, mais juste ça, là, regarde, il faisait des tests de 10h le matin à 2h l'après-midi, là. Puis il faisait juste atterrir, décoller. C'est comme le son. C'est intense. Ouais, c'était mais pas super cool. Ma parenthèse étant que dans Top Gun, qui est, en fait, c'était des F-14, des avions qui avec les ailes qui bougent. Mais les fameux Russes, qui sont comme les méchants. Étant donné qu'il y avait comme pas de comme but. Tous les films de cette époque-là. Exact, tu sais, on s'entend, tu vas pas voir les Russes. Ouais, je vais faire un film avec vous comme méchant, voudriez-vous me passer une coupe de vos avions, mais en fait, c'était des avions américains qui étaient juste déguisés avec une... des en vieux noir, avions. Peinturés en noir, ça faisait un peu de G.I. Joe, tu sais, on va les peinturer foncés, ils vont en faire peur, c'est des méchants. Mais sinon, 86, en effet, ouais, donc en 86, le film est sorti, donc en 89, quand ça jouait à TVA, j'avais mes premières pulsions qui commençaient. Il revient vraiment sur ses pulsions avec cette film. Ah, mais l'actrice, j'essaie de retrouver le nom de l'actrice. Honnêtement, c'était quelque chose dans le temps. J'aurais cru le voir. Ça doit être la second build là, sur IMDb. Là. Supposément, il parle de faire un Top Gun 2. Oui, en effet. Monsieur Antoa a mentionné. Kelly puis, McKillis. C'est très possible parce que c'est une idée, un concept un peu original. Un film d'avion, un film... macho action, tu sais, avec des avions, ça existe ben, d'autres moi, films qui font la même chose. C'était comme Days of Thunder avec le NASCAR. Hey, ça, c'est tellement bon. La plupart ça. Des c'est films... la même affaire, je trouve, mais non, en non, avion. Non. Days of Thunder, il y avait de la camaraderie redneck super hot. Quand ils font venir les danseuses puis qu'ils font à croire qu'ils se font arrêter par la police puis qu'après ça, ils font la course en chaise roulante. Hey, man, Cold Trickle, tu fuck pas avec lui. La camaraderie des pilotes de Jet Fighter, là, pis les fois qu'ils vont aux danseuses pis qu'ils font croire qu'ils se font arrêter, là. Non, honnêtement, Days of Thunder pis Top Gun, il y a énormément. Non, ok, parce que c'est du NASCAR. Arrêtez. C'est un peu dommage que dans la plupart des films, les hélicoptères puis les avions sont genre un background piece. Il prend jamais le center stage, n'est-ce pas, Guillaume? Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Puis c'est pas tout le monde qui s'appelle Jerry Bruckheimer qui font des faveurs douteuses à l'armée américaine. Mais sinon, je vous conseille le film Aigle de fer avec Louis Gossett Jr. Le 1, le 2, le 3, le 4, 1. Le 5, le 6, le 7, ils vont faire le 8, le 9 ou le 12. Le 1 et peut-être le 2, mais justement, il y avait énormément de dogfighting. Il y avait quand même pas mal de bouts sur les avions de guerre. Mais ils vont faire un gritty, dark, gritty reboot. Homoerotic. D'Aigle de fer? De Top Gun. De n'importe quel film. The Days of Thunder. Hey, ils devraient faire un remake de Days of Thunder. Avec non, arrête avec les remakes, c'est fini. C'est vrai que c'est fini. Independence Day 2... Non, pas c'est fini, ça doit être fini. Pourquoi? Il faudrait que ça soit fini. Pourquoi faire un reboot de tout? Leave it alone. Mais il va pas avoir un Top Gun 2, me semble, j'ai vu ça. Il pourra en faire un. Ça va pas être un Top Gun 2, ça va être un reboot de Top Gun. Mais non, mais t'as juste à pas aller le voir, Alex. Mais tu peux pas. Oh, tu vois, regarde, les 7 minutes disent que t'as juste à pas aller le voir, Alex. Moi, j'irai pas le voir. Bon, 7 autres minutes. La prochaine question nous provient d'un auditeur du nom de Pierre-Julien Poirier. Oh. Pierre-Julien Poirier voudrait savoir c'est quoi notre snack préféré quand on game. Là, on a 7 minutes pour parler de snack pendant qu'on joue. Ça débute maintenant. Moi, si j'avais une belle province, dans mon salon, ça serait la poutine. Ouf. Mais, en game, man, une poutine? Ben, tu sais, quand il y a des cutscenes, imagine, tu pars là, Final Fantasy quelconque, 7, puis tu pars le Knights of the Round Table Summon, là, ben, tu tapes une poutine. Mais on s'entend, ça, c'est de l'utopie totale. C'est quoi, tu du gravy au bout de deux heures? Ça dépend de ton on parle dans de un, jeu, un je une pense. Utopie totale, mais sinon, c'est du ben, boîte de biscuits. Tu joues pas à Call of Duty online à manger de la poutine, là. T'es trop sénère, puis... Non, c'est clair, il y a de la poutine partout. C'est ça, là. Mais j'approuve un peu Guillaume sur le côté, c'est pas mon snack idéal, mais des fois, ma femme, elle commande la poutine avec ses amis tard, là, quand je suis en train de jouer au Xbox, puis eux autres, ils sont en train de jaser dans la cuisine, là, avec une petite coupe de vin, là, puis ils font des cupcakes ou de quoi, là. Puis il dit, oh, commande-tu une poutine? Fait qu'ils font des cupcakes, mais ils commandent la poutine. Pas, mais le cupcake, c'est pour le lendemain, pour genre les enfants ou des enfants même. C'est moi, au garde, on peut-tu faire de quoi? Puis je vais me faire crier des insultes, puis je vais me faire traiter de. Peut-être que. C'est moi, la différence entre une femme et un homme, c'est que la femme fait de la bouffe pour le lendemain, puis l'homme fait de la bouffe pour là. Parce oui, qu'il a moi, faim. Je l'aurais mangé tout de suite. Ça dépend toujours si l'homme est genre un chef cuisinier, mais en effet, dans 99,5% des cas. Ça, c'est comme. On va faire des cupcakes qui vont être tellement bons, mais fuck that, j'ai faim. J'ai vu là, ils sont chauds. Ok, maintenant que ça c'est réglé. Mais c'est pas mon snack idéal. Ok, c'est quoi ton snack j'ai idéal? J'ai bien de la misère parce que je dirais du popcorn, mais en même temps, je m'y suis tout le temps. Non, même. C'est ça. Moi, je dirais que c'est. Mais attends un peu, je soutiens la théorie du popcorn de Milter parce que savez-vous quoi? Dans ma quête de retirer certaines nourritures grasses de mon alimentation, là, j'allais dire popcorn. Moi, je fais du popcorn à l'air. Fait que ouais. J'ai un petit blower que tu pars à 8h le soir et ça fait. Là, tu réveilles pendant 8 heures, puis là, tu réveilles tout le monde. Désolé tout le monde avec les headphones. Ce popcorn-là n'a pas de beurre, n'a pas rien. À moins là, que tu rajoutes. Puis tu pitches du sel dessus. Ouais. Puis le sel se ramasse tout puis dans le fond. Puis il reste du sel dans le fond, puis là, tu dèches ta doigt, puis tu fais « Ah, c'est la pelletée de sel. » Mais honnêtement, c'est ça. Je ferais une déviance sur le sujet. Le worst snack, c'est vraiment les chips. Ouais. Parce que ta crise de manette d'Xbox, après, elle devient toute graisseuse. Ou mais il n'y a pas juste ça, c'est parce qu'il y a un problème récent aussi, puis c'est un problème très 2015 avec les chips. Il goûte le calice. Non, ton micro. Tu sais, l'autre fois, je jouais, puis j'étais avec Marie, justement, sur Elder Scrolls. J'étais en train de jouer, puis là, Marie, a fait comme je reviens. Puis là, maintenant, elle revient 15 minutes après, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as tellement donné le goût de manger des chips que je t'allais en acheter. Tu sais, fait que c'était comme contagieux. Puis des chips avec les micros, c'est pas cool. Elle a déjà comme enlevé ses choses. Elle était comme genre AFK à cause qu'elle mangeait. Eric Salvaille, tu veux pas attendre que je fasse. Mais c'est ça, exactement. Eric Salvaille, je pense que grâce à lui, je vais aller dépenser un autre 10$ à ma prochaine épicerie. Là. Pizza pochette. Les pizzas pochettes, c'est un très bon j'avoue, snack en train j'avoue. De gamer. Ah, j'avoue. Que moi, il y a quelque chose que je game, puis vous allez peut-être me trouver bizarre, mais. Tu sais, les rice cakes, là, les galettes ouais, de ouais, riz. Ouais, là. C'est bien grano. Non, non, non, mais avec les saveurs. Au beurre, le popcorn, il y en a, ça goûte exactement comme du popcorn. Tomate basilic. Ouais, je sais quel. Fuck, j'achète un sac, je passe au travers. C'est fou. Puis ça, Oui, ok, ça fait du petit sel, puis ça fait des affaires, mais t'as pas les mains graisseuses après, puis t'inquiète. C'est, ouais, c'est vrai. Je vous bullshitterai pas en disant, moi, je mange des raisins quand je joue à mes jeux vidéo, parce t'es que menteur, c'est des raisins secs. Tu manges je mange raisins. Pas quand de santé, mais des rice cakes, c'est bon. Moi, j'ai de quoi de... C'est de l'air. Crispy air. C'est moi, c'est plus saisonnier, là, dans un sens, mais les graines de citrouille. Arc. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Ouais, mais c'est... Ouais, non, ouais. Je suis d'accord. Moi, je suis allergique aux peanuts pis tout. Fait que c'est peut-être mon seul genre d'affaire proche de vous autres, là, qui a le droit de manger des peanuts pis tout, là. Mais moi, ça, là, c'est le plus proche que je peux me ramasser. Puis j'adore ça. Moi, c'est... Des Skittles. Tu sais qu'au Club Price, ils vendent des graines de chanvre que tu peux moi, manger. Moi, c'est... Comme... Ouais, non, Alex, pas toi, là-dedans. Tu manges quoi en jouant à des jeux vidéo? Les ongles d'orteil. Pas les miennes. De préférence, pas les tiens. Il achète ça au Costco. Moi, les sacs. C'est, peut-être c'est intéressant. De l'eau. Je mange. Tu manges de l'eau. Alex, je suis désolé, je vais juste apprendre quelque chose. De l'eau ne se mange pas. Ben non, c'est en le seul chose on pendant dit ça que, se boit. C'est un autre topic. Pendant que je joue, je mange absolument rien. Juste de l'eau. C'est tout. S'il faut que je mange, même des chips, parce que moi, j'adore le junk food, mais tu veux pas saler ta manette? Ou parce non. que t'as pas le goût de manger pendant je peux pas faire que tu fais quelque chose? En même temps. Okay, c'est ça. Tu veux-tu qu'on te passe 20$ ou... non, mais ok, fait que de l'eau. Mes moi, snacks, j'aime pas manger. C'est rare que j'achète des chips, c'est très rare, mais okay. Les chips, c'est pour les films. Ça, si c'est d'accord. Un snack, c'est un cupcake, c'est quelque chose que je mange avec un café, puis après ça, je joue... Avec un verre d'eau. Mais c'est tout. Ou une bière. Des fois, c'est bière. T'aimes-tu le chocolat? Oui, j'adore le chocolat. Prochaine fois que tu vas à l'épicerie, tu vas dans la rangée des biscuits. Tu vas dans la section des Dare. Puis tu checkes la boîte mauve. Fais toujours en haut ou en bas complètement. Les Dare au fudge chocolat, la boîte est mauve flash. I'm familiar with Dare. Take it. Tu vois, moi là, honnêtement, ouais, mais c'est juste... C'est je mange décadent. Pas avec une ça dans fait ma pas tes t'en manges un, tu te le fous dans la bouche au complet. No pun intended. Puis t'as les mains qui sont pas graisseuses, tu continues à jouer, tu vas bien. C'est vrai quand tu t'en le fous dans la bouche au complet, t'as pas les mains graisseuses. C'est one shot. Des biscuits aux pépites de chocolat, j'ai une pensée mais à ça. Ça c'est genre les biscuits aux pépites. Pas si je me le mets tout dans la gueule d'une shot. Mais les Oreos, c'est moi les biscuits c'est bon, un Oreo mais c'est comme genre un rituel, je mange avec ouais. Du lait. Puis c'est, il faut comme ça prendre toute mon attention. Hey, je viens de penser à quelque chose que je bouffais beaucoup quand j'étais plus jeune, puis je gamais. Là. Puis ça va être vintage, genre 90, là, mais tu sais, les bâtonnets de fromage. Là. Que tu trempes? Oh, non, mais les Cheetos. Ficello, genre. Ficello. Non. C'est comme des craques. Tu sais, t'as les minces aux légumes. Ah oui, des bâtonnets de fromage. C'est ouais, ça. J'en ai t'as les minces aux légumes, là, genre jardinier, puis t'as les bâtonnets de fromage, comme vrai. Des Cheez-Its, je sais pas quoi. Ah, les bâtons, puis tu mets dans, tu trempes. Non, des craquelins. C'est juste des craquelins, mais c'est un bâtonnet de fromage. C'est comme rond cylindrique, c'est orange, ça goûte de la fromage. C'est très bon. Ça, là, je mangeais tout le temps ça quand je gamais avant. C'était incroyable. Il y a la version fromage suisse aussi qui est quasiment pareil. C'est ça, les petites cheez-it, ça. Pis ça ouais. Dans le fond, en réalité, c'est juste qu'il y avait un moule puis il cassait un coin. Puis lui, comme, ouais. Oh mon Dieu, du fromage suisse. Un autre suisse. Modèle, je vais acheter les deux. Puis là, t'es mix les deux, Ben, puis tu vois le monde... Fuck! Des parties, le monde capable. Hey, t'as donc mis de l'attention pour juste nous recevoir. T'as mélangé deux sacs? Hey, lui, c'est nous recevoir, lui. L'autre party, il met des prédateurs là-dedans. Oh, on va finir avec Alex? Eric, il a demandé quelle marque pour l'eau que je bois. C'est l'eau du tap. L'eau robinet. Du robinet. Ouais, parce que le tap, ça. En tout cas. Fait que prochaine question, messieurs, une question qui nous provient de Guillaume Simard. Oh, qu'est-ce qui vous gosse le plus sur Facebook? Et c'est parti, 7 minutes. Ah, on nomme-tu des noms? Non, comme j'ai mentionné, on a un podcast culturel, donc... Moi, je vais y aller. On nomme pas de nom. Avec le vague booking. C'est genre... Le vague booking. Put your money where your mouth is ou tais-toi. Si tu veux me faire dire, aujourd'hui, la vie... Mais... Non, ta gueule. Disons, explique-moi qu'est-ce qui se passe ou ferme-la. Moi, c'est un peu en lien à ça, c'est les preachers, dans le fond, un peu le monde qui parle, ils disent des morales, des philosophies, des longs textes positifs, des vidéos d'affaires, puis nanana, vous devriez faire ci, ça, penser de même, mais qui font absolument rien de concret pour faire quoi que ce soit. Puis là, au pire, ils vont dire, hey, j'éveille des esprits, j'allume les gens à des... des nouvelles pratiques. Fait que je fais quelque chose comme non, tu fais pas vraiment rien de concret. Va donner des dons, va travailler bénévolement quelque part dans une homeless shelter ou fais qu'est-ce que tu veux, là, fais n'importe quoi du bénévolat, aide quelqu'un, mais arrête de juste faire des vidéos, de dire que tu fais quelque chose ou de preacher, là, que, puis il y a pour des likes, on s'en calisse. Moi, c'est un peu dans la même veine que toi. Ce qui me gosse, là, c'est le monde, tu sais, genre, mettons, le chien, il a mangé des bouts de fromage avec des clous, puis là, le chien est tombé malade, puis il est mort, puis on recherche ces individus-là, puis là, tu postes la photo, puis tu fais, il est donc bien dégueulasse, ce gars-là mérite de mourir, mais. Puis tout le monde partage ça, c'est comme. Moi, je vois une affaire de même, je la partage pas, je la cache. Pourquoi? Parce que je veux pas donner d'importance à ça, puis je veux pas que le monde soit au courant de ça. Puis le parce que ce monde-là font ça pour le thrill. Ils veulent être connus. Le trois quarts du temps, en plus, quand tu vérifies un petit peu plus loin que la photo Facebook que le monde partage, mais le gars, il s'est fait pogner il y a 2 ans, il est dans la Russie, tu sais, c'est même pas bien fondé que c'est que le monde partage. Ah, c'est comme l'espèce d'image des nazis, supposément, qui était l'inspiration des mignons. Ben c'est oui. Comme les fameuses fausses nouvelles avec du faux savoir, puis là, tout le monde s'insurge, puis partage, puis c'est comme la nouvelle popcorn qu'ils appellent. En fait, ça, c'est en théorie des communications, ça date depuis longtemps. C'est juste TVA Nouvelle est l'exemple parfait, là. Tout est comme juste garoché en rafale, sans nécessairement approfondir. On check pas nécessairement les sources. Quelqu'un part, puis là, c'est comme à la mode de s'insurger, puis d'être de pas être pour toutes les causes. Puis, tu sais, on entend parler de, tu sais, la misogynie, le ci, le ça. Là, il y a quelqu'un qui se autoproclame le pape anti-misogyne ou le ci ou le ça. Puis là, il décide de toutes les causes. Viol, mais dans le fond, c'est qu'il fait juste partager des affaires sans nécessairement vérifier les sources. Sans même faire un minimum d'approfondissement, puis c'est juste l'eau, et c'est souvent n'importe quoi. Là. Oh, mais j'adore l'eau. Mais il y a toutes les causes que le monde se rattache, puis deviennent toutes des avocats de, puis je trouve ça fatigant, puis lourd. Mais on a un choc sur le chat qui nous a mentionné le clickbait. Ouais. Le clickbait, oui. Regardez ce que cette femme a fait avec la bouteille de champagne. les tops genre hey voici 23 affaires que vous avez toutes déjà faites dans champagne, votre jeunesse. Je voulais pas faire les name drop, mais honnêtement on parle de, si on parle à échelle planétaire, de des trucs style BuzzFeed ou à échelle locale plus Montréal Blog. Ouais, t'as volé mon non mais Montréal Blog qui est comme tu peux name drop ces affaires là sans offusquer vraiment personne. Pour moi effectivement c'est le BuzzFeed. Le BuzzFeed c'est du clickbait, ils sont les mais la différence de BuzzFeed, c'est les rois du clickbait. Ils vont semi-créer leur contenu. Ouais. Tandis qu'il y a des places comme Montréal Blog ont souvent été mis sur le spotlight parce qu'ils complètement volaient le contenu. Puis ils se l'appropriaient pas à des. Mais comment ressources. Ça marche? C'est Gawker. Il y avait un gars qui écrit. Il a juste fait des links de les choses qu'il trouvait intéressantes. Puis la plupart, c'était de la bullshit. C'est, mettons, This Cures Cancer, puis les résultats, c'est ça touche pas au cancer. Tu parles de Dr. Oz, dans le fond. Oui, exactement. Okay. Dr. Oz. Mais il n'y a pas eu de Fact Joe qui a perdu son émission aussi, là, pas longtemps, à cause de ça, parce qu'il piquait le stock de quelqu'un d'autre. Il y avait c'est ça comment ça a commencé maintenant. Peut-être, j'espère qu'il y a du monde qui sont au courant de comment ça marche. Mais, fait que c'est ça, c'est BuzzFeed, ils faisaient exactement ça, puis après ça, ils ont eu l'argent pour avoir des personnes qui écrit des choses, mais la plupart c'est des listes de 10 choses, de 10 preuves que t'étais né ou you grew up dans les années 90. Ah ouais, puis le monde y clique dessus. J'étais là, tu sais. Hey, moi, il y a une affaire que. Pogs, puis la seule chose qu'ils ont écrit, c'est this avec un gif, puis c'est la marne. Il n'y a pas de. Mais un peu dans la même veine que toi, tu sais, il y avait un site que je lisais beaucoup dans le temps qui s'appelait Ask Men, puis maintenant, je suis plus capable de lire ça parce que. Eux autres, non seulement, avant, ils te faisaient un clickbait, OK, mais t'arrivais puis il y avait un article, tu le lisais puis t'étais correct. Puis là, ils ont réalisé que les textes, les gens les lisaient peut-être moins bien. Puis là, c'est tout du vidéo. Mais tu sais, c'est, mettons, voici les 10 choses cool à faire à Montréal cet été. Puis eux autres, c'est du clickbait, mais c'est du contenu original. Sauf que là, tu cliques, puis chose numéro 1, vidéo de 45 secondes, play. Avec un pre-roll. Page 2. Chose numéro 2. Pre-roll, vidéo de 45 secondes. Ouais. Ça me fait pogner les nerfs. Tu sais, c'est. Donne-moi accès à l'information directe. Déjà que j'ai sauté dire, dans 4 cerceaux pour y page accéder. Page 1, page 2, page 3. Mais ça, c'est juste pour des. C'est juste pour l'impression publicitaire. Plus de views, plus de clics, pis tout. Ouais. Mais ça me tue déjà que tu me fais cliquer une fois pour ton top 10 de merde. Tu me fais cliquer 10 fois, puis rendu à 7 en plus, ça bug tout le temps. Hey. Ça fait chier quand j'ai un ami qui poste quelque chose, le les 10 meilleures places, les meilleures villes au monde. Oh, regarde, Montréal est numéro 4. Puis je vois une autre liste sur le même site web que Montréal est même pas là. C'est comme... Il n'y a pas vraiment une vision, il n'y a pas vraiment un narrative. Il n'y a pas de rectitude des faits, ça c'est clair et certain. BuzzFeed, exemple, ils font un 10 raisons que les filles sont something something négatif. Puis après ça, ils vont le 10 fois que les filles étaient catcalled, mettons. Puis après ça, ils vont faire 10 acteurs des hommes que tu peux voir leur pénis dans leurs jeans. Fait que c'est un peu hypocrite. Il y a faux pour tout le monde. Ils ont fait les musiciens qui peuvent voir leur pénis en dehors de leurs jeans. Comme Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Je pense que ça clôt bien un sujet, ça. Mais il l'a toujours dit. Il reste 18 secondes. Il 18 secondes. Ben Lenny Kravitz, il l'a toujours dit depuis très longtemps qu'il est commando. Parce qu'il dit. Puis ça, vous pouvez fouiller l'entrevue sur YouTube. Il a déjà dit qu'il va commando parce que c'est trop long enlever les sous-vêtements quand il devient intime avec une demoiselle, probablement une groupie. Et c'était la fin de l'histoire de Lenny Kravitz. Merci, Bing it. Question qui nous provient de Twitter, de notre cher auditeur Francis Mimon, qui nous demande « Au courant des prochaines semaines, je vais m'acheter une console. Quelle me conseillez-vous et pourquoi? Merci. 7 minutes, les boys. C'est parti. » PSP Go. C'est pas cher. Tu peux pas rien faire avec. C'est ça, c'est parfait. Tu peux répéter la question si il veut acheter... Au courant des prochaines semaines, je veux m'acheter une console. Quelle me conseillez-vous et pourquoi? Merci. Okay. Moi, j'ai des pistes de réponse. Parce que j'ai posé exactement... Des réponses. J'ai posé exactement la même question aux membres du Geek Collectif il y a environ 2 semaines. Oui. Et je vais aller en différentes facettes rapides. Si je veux faire le comic, je vais dire, achète-toi un PC. Mais vu qu'on parle de console, je vais re-questionner la personne qui est pas là. Mais si tu veux être multitask, donc très entertainment, multimédia, télévision, vidéo, aller streamer du contenu que tu possèdes ailleurs dans tes ordinateurs ou autre, on me dit, j'imagine que c'est vrai parce que les gens à qui je pose des questions sont souvent très, très, très, très connaisseurs, que la Xbox One était une machine supérieure. Mais pour ce qui était du gaming et des propriété intellectuelle plus intéressante, ça serait la PS4. Je vais arrêter ça là, je laisse les autres continuer. Moi, je suis un peu d'accord avec Guillaume, mais je rajouterais que je pense que les deux font presque la même affaire côté multimédia à Star. La Xbox, peut-être en a fait un petit peu plus à cause de Windows 10 là, à Star, là, sur certaines affaires, mais j'irais plus côté tes amis à quoi qu'ils jouent. Si tous tes chums sont sur PS4, va pas t'acheter une Xbox One juste parce que tu veux une Kinect ou des applications. Tes applications vont finir par arriver sur la PS4 anyways. Puis tu peux pas mal tout faire sauf que tu passes par d'autres genres d'applications ou d'autres affaires de même. Fait que pas une cassée que tes chums ils sont dessus puis que tu vas jouer avec. Côté propriété intellectuelle ou exclusif, j'imagine là, que ça dépend de tes goûts. Parce que moi, j'ai une Xbox One pour l'instant, puis je suis pas un tripper d'Halo nécessairement, là, tu sais, ou d'affaires de même. Mais on parle d'impact des jeux en général, que ce soit en storytelling ou autre. On entend souvent parler d'Uncharted, Last of Us. Moi, j'ai jamais joué encore, mais quand je lis sur Internet en différentes sources de médias, on mentionne souvent ces titres-là comme étant ce qu'ils appellent des genre-defining games, ouais. C'est-à-dire des jeux qui définissent, qui marquent une époque. Il y en a comme des Metal Gear Solid sont à travers toutes les plateformes, ça c'est correct. Mais des Uncharted, des Last of Us, ça sera jamais ailleurs que sur PS4. Ben des Halo, mais un Halo. J'entends beaucoup parler d'Halo puis de Gears of War. Là, Halo, il y a des possibilités qui arrivent sur PC à un moment donné. Il y a des 1 puis 2 et sur PC. Mais 3, dans le futur aussi, mais avec la convergence Xbox One puis Windows 10, peut-être que ça va arriver. Donc, tu sais, il y a souvent, faut vraiment penser au jeu qui nous intéresse. Ouais, mais c'est ça. Qu'on veut jouer. Puis je pense que honnêtement, le point le plus important, puis j'y ai jamais pensé, c'est comme tu as dit, c'est à quoi tes amis jouent parce que sinon, tu vas te trouver ça plate. Les deux consoles, ils reviennent quasiment au même, d'après moi, en tant que tel, dépendant du jeu à quoi que tu veux jouer, puis de tes chums. C'est tout. Toi, c'est quoi ça? PS4, Playroom, end of story. Ah, j'avoue, il y a un point là. C'est, that's a drop of l'autre drop soir. Non, et Alex, j'avais carrément oublié. Puis j'envoie souvent dans notre chat des vidéos des personnes que je vois sur Playroom. Dans le fond, c'est Ustream. Mais, c'est Ustream. Ben, c'est plus facile parce qu'il y a le PlayStation Camera qui stream automatiquement à deux places. Mais ouais, ça c'est le game changer. Oui, je suis d'accord. Dans l'histoire de console. André, t'es la face de quelqu'un qui a perdu la foi en l'humanité. Ben, j'ai pas perdu la foi en l'humanité, mais écoute, tu sais, premièrement, Milton, je te trouve très mature dans le sujet. Tu sais, okay. Autant que tu trop là avant, tu t'en Il boit rien. De l'eau, hein? Non, mais je suis juste. comment je peux dire ça? Je suis. Ok, on est en 2015. On peut louer les consoles dans des clubs vidéo, passer du temps avec. On peut, à la limite, les acheter puis se les faire rembourser chez Walmart. Nos amis les ont, on peut jouer avec. Il y a des critiques sur Internet. Il y a un paquet d'affaires, on a accès à plein d'informations. Mais je pense que, tu sais, justement, regarde, tu veux jouer à quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas te jouer en ligne? T'aimes-tu Uncharted? T'aimes-tu Halo? T'aimes-tu... Je trouve que c'est... On dirait que j'ai de la misère avec ces questions-là. J'ai de la misère parce que... C'est personnel. Je suis qui pour décider pour quelqu'un? C'est totalement personnel. Francis, tu sembles être un chic type. T'as mis de l'effort dans ta photo de profil sur Twitter. T'es en noir et blanc. Donc, tu inspires la classe. T'es quelqu'un clairement... Dis qu'il connaît Photoshop. Là. C'est ça, il connaît ça. Francis, à quoi tu veux jouer? Avec qui tu vas jouer? Tu veux jouer avec nous autres? Ben... V'là quelques mois, Eric t'aurait dit, viens jouer sur Xbox One, c'est là qu'on est. Là, il dit PS4. Puis là, il va te dire PS4. Puis dans 6 mois, il va peut-être te dire Xbox One. Ça dépend des jours. Des fois, s'il voit qu'il y a quelqu'un qui est trop PS4, il va dire Xbox. Je pense que t'as mal compris quelque chose. Playroom sur PS4. Ouais, mais Playroom, j'ai pas besoin de PS4 pour l'écouter. Je peux l'écouter sur Ustream. André, c'est Chatterbait. Mais moi, j'ai un dernier point à amener au gars. C'est, il y a une chose à ne pas oublier dans ta décision d'achat de console, c'est peu importe le choix que tu vas faire, faut pas que t'achètes une Wii U. C'est la pire... Hey, même encore là, oh, t'as peur, Splatoon! C'est pas super cool. Bon, en tout cas, j'aime ça, moi, Splatoon. C'est cool, mais... Ouais, mais Splatoon va sûrement être disponible en download digital dans la nouvelle console qui va sortir à Noël. Sur la NX. Ouais. Ouais, mais elle s'appellera pas NX, ça va avoir un autre nom, là. Ça va être la de quoi d'original, genre Wii Y? Nintendo Sunshine. Quelque chose de même. C'était pas un nom bâtard, rien qu'il voulait dans le temps. Mais gars, il nous reste-tu bien du temps, André? Il reste le temps de s'astiner pour combien de temps qu'il reste? Mais moi, 45 secondes. Je clore ma section avec une question pour toi. T'as une PS4. Ouais. T'as une Xbox. Ouais. Où est ta PS4 en ce moment? Sur le dessus de ma Xbox. OK. Elle est pluggée dans la Xbox. Non. Non, mais est-ce que quelque chose... où est pluggée d'abord ta PS4? Ah, ben toi, t'es pluggée sur ma télé, dans le bureau. Et la Xbox One, elle est... Dans le bureau, pluggée sur la même télé. Parfait. Combien de fois as-tu utilisé ta Xbox One dans les derniers mois? Ça, c'est une excellente question. J'ai joué au bêta de Gears of War. Sauf que quand Gears of War va ressortir, je vais jouer the fuck out of Gears of War. Donc, en gros, t'as joué plus à ta PS4. Oui. Donc, si on répond à la question... En date d'aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est moi. C'est personnel. Ouais, mais... Moi, personnellement, j'ai joué à ma PS4. Ouais, mais... Tu vois? Fait que si t'es moi, je joue à ta PS4. Mais si t'es pas moi, tu peux peut-être jouer à d'autres choses. Si t'es moi, je joue à Xbox. Parce qu'il y a une autre affaire, c'est que j'ai joué au PC aussi. Faut pas l'oublier. Aussi, ouais. Donc, la prochaine question, nous provenant de Twitter, je sors dans le feed... Vos impressions sur Curses and Chaos. Vous avez joué Wright, trois petits points, Wright, Michael LaRouche, employé de Tribute Games. Je sens de la pression. Fait que 7 minutes pour parler de Curses and Chaos. Moi, je pensais qu'on allait avoir les codes. C'est vrai, ça? Pour jouer. On est-tu vraiment en train de dire ça en public? Là? Il y a personne qui nous écoute. Il y a genre peut-être 3 personnes. Là. Moi, je pensais, en fait... qu'on aurait fait tirer des codes pour nos auditeurs. Oh, ben on en garde un, on en tire un. Tu sais, c'est comme non, on les donne au public parce qu'on est cool. Oh. Comme qu'on avait fait avec Mercenary Kings dans le temps. On la jette à la place. Tu sais, dans les codes qu'on avait fait tirer au public de Mercenary Kings. Non, mais Curses and Chaos, premièrement, j'ai joué 2 fois. Au Comic-Con? Non, en fait, j'ai joué 1 fois chez Tribute, quand j'étais allé pour un épisode de 3 bières. L'année passée. Puis, j'ai joué avec un joystick d'arcade. J'ai des problèmes de tunnel carpien. Donc, Non, mais en fait, avant et après, ça l'a accentué. Depuis ce temps-là, j'ai mal. Non, mais J'ai rushé ma crise de vie avec les joysticks d'arcade. Et à Comic-Con, j'ai rejoué avec une manette de PS4. Vraiment une meilleure amélioration. J'adore le jeu. Il est le fun, le soundtrack, la direction visuelle, les contrôles. J'adore le jeu avec une manette. Je suis pas un gars d'arcade. Sauf le cabinet d'arcade était vraiment cool à regarder. Il a fait ça, je pense, c'était pour PAX East ou quelque chose de même, ou PAX Prime. Good job ce jeu, guys. Sans joke, c'est excellent jeu. J'ai hâte d'y jouer. Vous avez fait du bon travail. Ouais, même chose pour moi. J'ai joué à Comic-Con. Puis mon garçon a joué encore plus. Lui, c'est un coup de foudre total. La seule affaire qui me fait que je ne l'ai pas encore acheté, c'est que j'ai pas de gamepad à mon PC. J'ai pas de console next-gen. Je pense qu'il n'est pas sorti aussi. Il devrait pas tarder, en effet, là. Mais j'ai pas de next-gen. J'ai juste une 360. Sinon, à mon PC, dès que je peux me procurer une gamepad, en fait, il faudrait juste que j'aille m'acheter une autre. Une manette de Xbox One ou Xbox 360 à fil USB que je plug dans mon PC. Et ça sera pas long que je vais pouvoir jouer. Et honnêtement, c'est un excellent jeu dans le style. J'ai bien hâte de jouer. Ah, moi, j'ai joué justement avec Michael LaRouche à Comic-Con quand on était là. C'est cool. On a fait un des tableaux au complet. Je m'attendais pas à ça sur le coup qui est plus fini. Là, parce que quand on avait joué il y a un an, c'était plus basic un peu. Là. Puis j'ai vraiment trippé, mais l'affaire, c'est que c'est le genre de jeu que je vais jouer avec des chums dans mon salon, tu sais. Ouais. Fait que ça va me faire justement un jeu de même, là. J'ai juste iDarb que je joue, qui est au Xbox. Quand j'ai du monde, on se tape des games de iDarb. Mais c'est les jeux de Tribute, c'est des jeux mais de gang. Mais c'est ça que j'aime. C'est cool. T'sais, c'est une gang comme un peu le concept du gang de go autour d'une arcade, tu sais, justement, ouais. Là. Puis sauf là, c'est une console ou un ordi dépendant, là. Mais en tout cas, je m'ai fait du fun, puis c'est un des jeux, ça je disais à Michael LaRouche, je vais me le pogner parce que je demandais, ça fait-tu être sur Xbox? Puis c'est comme, non, c'est juste PC puis PS4. Puis je sais pas pourquoi là, les Xbox font la vie dure, je pense, à Tribute ou je sais pas c'est quoi, là, ils veulent pas, je sais pas c'est quoi l'affaire, là, mais ils veulent pas leur jeu. Ils me l'ont dit. Oui, ils l'ont dit au Comic-Con. En fait, c'est que c'est même pour tous les fabricants de jeux. C'est que quand tu signes avec, mettons, PlayStation pour sortir sur leur console, souvent il y a des incitatifs financiers. Et avec ces incitatifs-là, vient une période soit d'exclusivité ou tout simplement pour économiser dans le coût de développement, étant donné qu'il y a quand même un port à faire, tu vas pas nécessairement le porter pour une autre console. Mais Michael ou autre auditeur qui travaille chez Tribute pourrait nous corriger si c'est le cas. Alex, Curses and Chaos? J'ai pas eu de chance, malheureusement. T'étais pas à Comic-Con? Non, malheureusement. T'étais pas chez Tribute? Non. À quoi tu sers? I'm sorry. À nous sortir des mots comme tabaratatatatatata? Tataratat, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'un tataratat? Je te laisse le temps. Écoutez, guys, ce que je vous propose... C'est pas un Pokémon. Avec tout l'amour que j'ai pour Tribute Games, Michael LaRouche, Curses and Chaos, etc., il reste 2 minutes, on va écouter le sujet dans le bien de pouvoir répondre à la demande d'un autre auditeur. On a Pierre-Luc de Trois-Bières qui nous demande « Suggérez-moi un jeu pour iPhone, je veux jouer solo et que ça me dure longtemps, je suis prêt à payer. » Donc, 7 minutes qui débutent maintenant. Donc Alex, quel jeu iPhone que tu peux suggérer à Pierre-Luc? Il veut jouer tout seul, il veut pas jouer en ligne. Final il veut Fantasy jouer 7, elle juste vient de sortir. Final Fantasy 7 vient de sortir sur iOS. Sinon, j'ai joué un peu de Final Fantasy Dimensions. Ça c'est avec l'assumption que t'aimes ça Final Fantasy ou des RPG. Mais si t'aimes ça, les RPG, ils sont bien faits pour iOS. Ils ont juste comme le premier, le deuxième, non, ils ont Final Fantasy 3, 5, 6, 7, il y a pas mal tout. Je pense qu'ils ont sorti les. Il y a Dragon Quest aussi, parce que pendant que j'étais en road trip, il y a Raku qui jouait à Dragon Quest, qui était quand même vraiment cool. Je sais que. Je sais pas s'il est disponible sur iOS, faudrait que je valide à ce moment-là. Dragon Quest, il y en a plusieurs. Il y a un jeu que je jouais sur Android qui s'appelle Pen and Paper Knights. Qui est Knights of Pen and Paper. Ça existe. Qui est un excellent jeu. En passant, ils ont fait un autre jeu que j'ai. Chroma Squad, exactement. J'allais sur PC qui est excellent en passant. Ouais, j'ai joué un peu. Je trouvais ça drôle parce que j'adore ça, le Sentai, Super Sentai. T'aimes le Sentai en passant, c'est les Power Rangers. À ne pas confondre avec Hentai. Il n'y a pas de tentacules. Il y a des tentacules dans Power Rangers. Ouais, ça arrive souvent en passant. Dans le fond, Pierre-Luc. Ils sont habillés. tu peux jouer à Final Fantasy, Dragon Quest, il y a beaucoup d'RPG, des choses comme ça. T'as Ingress qui est disponible aussi pour iOS maintenant, qui pourrait te permettre de te promener. C'est online, mais tu peux jouer solo à Ingress. Ouais, t'as mais pas obligé de jouer avec quelqu'un. Pierre-Luc, c'est le genre de gars qui marche un peu puis qui se promène. Fait ben, que avec c'est son le genre... blog Yolorama, justement, c'est, il pourrait se promener. C'est le genre de jeu que. Peut-être que ça serait un peu bizarre, mais ben c'est pas pour tout le monde, mais des fois je joue les jeux qui s'appellent ben son genre Choose Your Own Adventure. Fait qu'il y a une histoire, mais c'est moitié RPG aussi. Tu fais tes choix, ça augmente tes stats, puis c'est un livre Choose Your Adventure. Ouais. Moi je trouve ça intéressant, ça passe le temps dans le métro si j'ai pas de signal, c'est pas online. Mais si tu veux quelque chose un peu différent, il y a City of Heroes. Je ne sais pas, City of Heroes. Heroes Rise. Fallout Shelter. Fallout Shelter. Oh, c'est gratuit. Dire, ouais. On peut jouer. On peut payer excellent. Si on veut aussi. On peut payer aussi si on veut. Mais c'est un peu un classique jeu à jouer, je trouve, ouais. Tout seul, là, parce qu'il n'y a pas rien, comme tu dis. Là, c'est... Il est tough, le jeu, quand même. Il va te prendre du temps. Là, c'est pas une journée, tu as construit un gros shelter. Puis, Ouais, ça m'a pris deux coups, moi, où est-ce que je me suis comme vraiment pété la fiole solide. Puis là, celle que j'ai, la troisième, là, elle roule. Il y a juste moi qui manque tout le temps d'eau dans cette crise de jeu-là. C'est comme l'électricité roule, la bouffe roule, il n'y a pas d'eau. Tout le monde est malade, one les shot. Coquerelles sont. Moi, honnêtement, ça doit faire. Les Rad Roach. Ça doit faire facilement une Terraria. Semaine que je l'ai. Puis Terraria sur iPhone? Supposément, c'est Eric Salvay a mentionné. Je sais que je l'ai pour iPad. Ouais, c'est vrai, il l'a sur iPhone. iPad, tu vas l'avoir iOS. Moi, c'est con, mais les classiques qui me durent longtemps quand je fais des petites sorties d'or, prendre de l'air frais, c'est Angry Birds 2 qui vient de sortir, puis toutes les dérivées de Star Wars, puis de possible, ouais. Tout, pour ceux qui aiment la course, ah, wow, aussi, là, cool Asphalt 8. Book, il l'a sur iOS, ouais, Asphalt 8, moi, je jouais sur mon iPad. Moi, j'allais sur Android. Adoré ça, c'est un burn-out, carrément, puis c'est un bon jeu, puis ça roule, puis c'est le fun. Moi, j'en ai une coupe. Bref, cut moi, the rope. C'est rare que je joue les jeux iOS. À chaque fois que je vois la liste des jeux, si je vois Free, je touche pas. Fallout Shelter peut-être c'est une exception, mais la plupart des jeux, c'est energy-based, c'est casual, il faut acheter, il faut c'est payer tout le temps, tous les IAP. Puis sinon, c'est des clones de quelque chose, puis le résultat n'est pas Bird. Très fort. Ouais, c'est ça. Mais ça existe. Il y a comme genre Baldur's Gate, Icewind Dale. Ils ont fait des ports pour iOS. Star Wars Knights of the Old Republic. Knights of the Old Republic, ouais. Comme GTA. Ouais, il y a Grand Theft Auto. GTA Vice City. Ouais, les full games, des fois, j'achète puis je joue les full games. Mais j'avoue qu'un GTA à 5$, tu trompera pas vraiment. Ben, Maître Frank, toi, là, pour les contrôles, tu tripes pas tant que ça, mais pour ça, je suggère, je pense qu'il est 4 ou 5 piastres, gros max, GTA Chinatown Wars, celle du DS. Mm. Oui, ils ont fait un point, qui puis c'était comme bon, les ça. Vieux classiques, là, de haut en petit bonhomme, fait que c'est comme, les contrôles sont comme moins importants, là. T'es pas en train de sniper le gars dans la tête, puis qu'il faut que tu gardes ton souffle en même temps, là, tu sais, c'est comme plus haut, puis il y a beaucoup dans ce jeu-là, je sais pas si t'as joué, là, mais il y a beaucoup de... Comme le jeu dans le temps à l'ordi là que tu faisais des échanges de drogue, tu sais, fait que tu vas acheter de la coke pas cher à un gars puis tu te promènes Drug Wars. C'est-tu Drug Wars, ouais. Mais en tout cas, tu te promènes d'un bout à l'autre de la ville puis tu vends ta coke plus cher puis t'achètes du pot puis tu sais, c'est drôle. Là. T'as des suggestions? Moi, j'en ai plusieurs par catégorie. J'approuve en effet les Final Fantasy, ils ont des HD repack. Moi, j'ai le 3 et le 4, excellent. Fallout Shelter, j'approuve. Si Pierre-Luc est un fan de Tower Defense, selon moi, les meilleurs jeux de Tower Defense, c'est les Kingdom Rush. Il y en a trois. Ils sont disponibles. Il y a Origin, il y a le régulier, il y a Origin, et il y en a un autre qui m'échappe, Frontier, qui sont excellents. Tower Defense avec un petit peu une histoire très intéressante. Les graphiques sont excellents. Ils sont gratuits, on peut payer si on veut. Au niveau des jeux qui sont... si on veut, mettons, encourager une compagnie montréalaise qui est en fait... qui est basé à Montréal, mais qui est Square Enix du Japon. Il y a Hitman Sniper, qui est un jeu payant. Moi, j'ai énormément de plaisir à jouer à ça. C'est un jeu, justement, très répétitif au niveau, mais c'est comme le même niveau continuellement qui augmente de difficulté de fois en fois. En fait, tout simplement, avec le motion sensor du téléphone, on va comme contrôler une espèce de sniper, puis là on faut aller, on a des missions particulières, après ça on a des points, puis on grind un peu évidemment, mais le jeu est payant et il n'y a pas nécessairement besoin d'acheter supplémentaire après. Donc Hitman Sniper qui est fait à Montréal chez nos amis de chez Square Enix. C'est pas mal, ça fait pas mal le taux. Puis sinon, moi je suis un fan de Marvel Contest of Champion, qui est un genre de fighting game un peu dumbed down, très facile. Là. Faible coup, gros coup, bloc. Mais sinon, c'est très le fun. Goat Simulator. Ah oui, sur mobile, je savais même pas. Goat Simulator. Ça passe le temps. Play That's it. Room. Non. T'as déjà aimé Tony Hawk? Goat Simulator? C'est drôle que j'ai oublié Final Fantasy Tactics, c'est un de mes jeux préférés. C'est Goat Simulator. Je suis dans your, I'm in your microwave sound. Goat Simulator. Donc, prochaine question, nous provenant de Pierre Boulanger via Facebook, il nous parle le meilleur RPG à vie. Lui, il dit j'en ai trois: Star Wars Knights of the Old Republic, The Elder Scrolls Oblivion, Final Fantasy Tactics. Il nous dit discuter. 5, 4, 3, 2, 1. On a 7 minutes. Meilleur RPG à vie: Skyrim. Breath of Fire 2. Ouais, il y en a donné 3. M'en a donné 3 moi aussi. M'en a donné Guild Wars 1 et 2, là, c'est la même affaire. KOTOR 1 et 2 ou 2. Et Skyrim aussi. Mass Effect. Ah, Fallout, c'est un... On peut Fallout, c'est comme un RPG. Lequel? Fallout, oui. Mais non, c'est tout des RPG. Bon, ben Fallout, Above Them All. Ok, Mass Effect. Fait que... Prochaine question, on a Maxime Gagnon qui nous mentionne « Selon vous, virgule, la meilleure bière à consommer, parenthèse, à part de la Pabst Blue Ribbon André, parenthèse, pendant une soirée entre chums de Super Smash Bros, Mario Kart et GoldenEye Perfect Dark. » Avec Rare comme Replay. On sait que ces soirées finissent normalement à un, deux individus qui chialent parce qu'ils perdent ou qu'ils trouvent que le monde... Trop cheap shot. Aussi bien ajouter de la bière dans l'histoire. Ready, set, discuss. Donc, reset, on a 7 minutes. La meilleure bière pour jouer à Super Smash Mario Kart GoldenEye Perfect Dark. Faut de quoi de léger. Faut que ça soit... faut que tout le monde soit capable de la boire. Shock Top à l'orange. Je niaise pas. J'ai jamais goûté cette fait que c'est pas la même pour tout le monde. Ça c'est veut dire. For everybody. Non, mais ça serait, disons, moi je dirais, c'est pas une Guinness ou une genre de triple IPA qui goûte la mélasse. Non, pas trop. Parce que sinon, il va y en avoir genre Eric puis André qui vont l'aimer, puis personne d'autre vont l'aimer. Moi j'ai pas le droit de dire la Pabst Blue Ribbon, fait que je vais y aller avec la Pabst Blue Ribbon. La blanche. Forte. La canette bleue. La canne bleue. Celle qui est un peu plus forte. Mmh. Yeah, arrêtez donc de taper ça à Pabst, Cadis. Mais moi, c'est bonne, puis elle coûte pas cher. La Bush Ice, quand il n'y a pas de Pabst, c'est... Ouais. La Coors Banquet. Coors Banquet fera un job. Coors, elle goûte l'eau pas mal, fait que tu t'en rends pas compte. Mais la Banquet, supposément qu'elle goûte pas l'eau. La Banquet est bonne. Elle goûte quoi? Elle goûte la bière. Oh! Mais t'as ta Coors Attitude que t'avais amené aussi. Oui, c'est vrai, j'avais acheté la Coors Attitude. Ça existe-tu encore, ça? Je sais pas. C'est ça, je l'ai vu une fois. Non, j'en ai bu, en fait, avant de partir à Alma. Okay. Il y en avait encore. C'était la vieille batch. Mais moi, personnellement, on vient un peu à notre histoire de plage de tantôt, là. Une bière de soif. On s'entend, j'ai rien contre les amateurs de bière. Shout-out à Pierre-Luc Sancartier, un gars qui est sur présent dans les médias sociaux, un bon Jack. Ou autre personne qui est un dégustateur de bière aguerri, dont notre ami qui est venu au dernier épisode, Nicolas. Mais c'est comme un peu un vin ou autre, un bourbon. Si on fait d'autres activités, puis on a quelque chose de qualité, j'aime mieux me focusser sur le produit, puis exemple, apprécier la qualité de ce que je vais boire. Tandis que si on game, le focus, c'est pas la bière. La bière, c'est juste un faire-valoir. Donc, une Corona, une Heineken, une... Name it, tant que c'est une bière qui passe bien, qui n'est pas à 3% d'alcool. Parce que si, comme notre ami disait, il veut provoquer un peu le beef amical entre les compétiteurs, mais on veut un peu d'alcoolémie. Parce que sinon, il n'y a pas de challenge, puis il n'y a pas de petite picaillage entre les joueurs. Fait que okay, la Bush Ice 5.5. Fait qu'on va régler ça. La... Tout le monde a un 26 ans de Jaeger. Des shooters. Non, mais le Jaeger, c'est pas bon parce que les Jello shots. Au contraire, le Jaeger est très bon. Je vais prendre une... Ouais, mais je pourrais plus jouer. Je vais prendre une gorgée. Je vais aller vomir dans la toilette. Je vais être out of commission pour la soirée. Non, on va te... Il y a parlé de bière en passant. On va te water down, ça. Tu fais partie du collectif. Tu vas apprendre à apprécier le Jaeger. Dès qu'il y a un... Ah, en tout cas, c'est un débat pour un autre épisode. Donc, de la bière. OK, Alex, qu'est-ce que, justement, c'est la première fois que tu bois de la Pabst ce soir. T'as trouvé comment, la Pabst? Bon, tu vois, c'est comment je passe une soirée à jouer à Super Smash, puis Mario Kart, puis... C'est pas une bière pour tout le monde. Ben, peut-être, non. C'est la bière de tout le monde. C'est comme... C'est la bière du peuple. C'est la bière facile. C'est la bière à 11$, la caisse de 12. C'est la crème glacée vanille de bière. C'est le Marcel Lebeuf de la bière. C'est le... Personne trippe. Mais ça fait un job. Mais personne ne l'aïe, évidemment. Tu peux pas chialer non plus. C'est ça? Personne l'aime non plus, par exemple. Non? Mais sa fille, par exemple. Laurence, la... Oui. Shout-out Turbo Kid. Elle, on l'aime toute. Parenthèse. Oui, parenthèse. Laurence Lebeuf, oui. Fille de Marcel Lebeuf. Oui. Représentation humaine vivante de la Pabst Blue Ribbon. Et elle fait partie de la distribution de Turbo Kid, qui est en ce moment en Indiegogo. Pour justement avoir une distribution pan-québécoise. Et si on atteint plusieurs paliers de financement au niveau d'Indiegogo pour Turbo Kid, on peut même avoir des goodies. Donc, il va y avoir des versions VHS, des versions Blu-ray, DVD, vinyle. Si on sera à 20 000 $, il va y avoir Jake Dion qui va avoir une BD en édition limitée. Tout ça à partir d'une Pabst Blue Ribbon. Donc, si tu n'as rien à faire en ce moment, tu vas t'ouvrir une Pabst, puis tu vas sur Indiegogo, puis tu donnes de l'argent à Turbo Kid, qui est un phénomène écœurant. Puis tu vas liker la page de Le Matos, qui font le soundtrack de Turbo Kid. C'est le galette de riz. Tu vois, c'est ça, regarde. J'aime les galettes de riz quand je game, puis je bois de la Pabst. Match made in heaven. Come at me, bro. Puis comment t'as perdu tous tes taste buds? Je les ai pas perdus. C'est un sambouca. Ils ont fondu. Non, mais c'est justement, regarde, le truc avec tes taste buds, là, puis tes papilles là, gustatives, là, t'es sollicite pas tout le temps. Fait que tu sais, tu bois des affaires bien ordinaires, puis à un moment donné, bang! Ça goûte quelque chose, les flaveurs. C'est toutes les flaveurs. Est-ce que quand tu goûtes, c'est précieux. C'est comme genre flaveurs, quand tu mets un blindfold, parce que les autres sensations sont beaucoup plus fortes. Ça, c'est la raison que... Il se met un bandeau puis il boit de la Pabst. Non, Alex, je n'ai pas écouté Fifty Shades of Grey. Je ne pourrais pas te dire. En se versant de la cire chaude. OK. Ça a poche. Ça, c'est le meilleur bout du film. Je cherchais une façon de le passer en douce, mais... Ça va faire mal au... Mais il n'y avait pas un film avec Madonna dans le temps, quand on était bien petit, qu'elle essayait de faire des films. Sexe, là? C'est ça? Elle faisait ça? Non, c'était Night with Madonna, je pense. Non, c'était Au lit avec Madonna, ça c'était son film de tournée, mais elle avait fait un vrai film, tu sais, genre comme Seven Days in the Valley. Who's that girl? C'était, en tout cas, elle faisait fondre de la cire sur un gars qui était comme une police, là, tu sais, puis... Une ligne en jupon. C'était des crises. Je pense que c'est qu'elle faisait fondre de la cire sur Roseanne. Sur Roseanne. Ah non, c'était comment qu'elle s'appelait? Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell, oui. C'est celle que j'ai jamais compris pourquoi qui a joué la femme à Arthur Laroche, Betty, dans les Flintstones. Ah, Betty, il me semble, était bien plus cool que Betty. Wilma. Mais tu sais, je veux pas faire aucun, on va le dire tout de suite, là, puis du fat shaming, là, mais... Dans les cartoons, elle est thin. OK, je sais que c'est deux triangles, puis c'est les deux pointes qui se rejoignent, là, quelque part, mais elle est tout mince, là. Puis quand tu vois une belle-mère dans Flintstone, elle était faite comme Fred Caillou, puis tu faisais comme, oh shit, OK, elle, je le sais que c'est pas une petite chick supposément dessinée dans Fred Caillou. Mais Rosie O'Donnell, elle arrive, puis elle fait Delima, pas Delima, Betty, c'est quoi en français? Delima, puis qui? Betty and Wilma. Betty and Wilma. Ça fait longtemps. Hey, fuck, c'est vrai. Je sais pas si c'est Delima. En tout cas, l'ami à Delima, là, la femme Arthur Laroche. Là, mais tu sais, pourquoi Rosie O'Donnell? Elle n'est pas shapée comme elle pantoute quand tu compares à Delima dans le film. Je pense parce qu'elle a menacé le réalisateur. Non, c'est parce que... C'est parce que sa voix, elle pouvait faire les. C'est Bertha, Betty ou Bertha. Juste à côté. Bertha. Bon, Bertha. Prochaine question venant de J.S. Chapelot via Twitter. J.S. veut savoir, je veux une rétrospective de vos films de l'été en lien avec votre show là-dessus. S'il vous plaît, moi, Mad Max gagne encore. 7 minutes. Merci. Ben, merci. Mad Max. J'ai malheureusement pas encore vu Mad Max. J'ai vu Avengers 2, par exemple, que j'ai trouvé génial. Shout out. J'étais allé voir Ant-Man au cinéma samedi passé à 1h de l'après-midi avec mon ami Jeff Bruno. Shout out à Jeff. C'était très drôle d'être... on était deux dans la salle pendant un bon bout, jusqu'à temps qu'une madame s'est rentrée juste avant les previews. Puis juste avant le film, il y a comme deux blacks assez grosses et qui parlaient fort, qui étaient très drôles. Comme dans les films, là, tu sais, comme t'as deux... Don't open that door! Exactement. Il était assez dans une sorte. Hey, girl! Il nous sortait des... Il nous sortait des phrases assez... assez spécial, mais en français, fait que c'était moi, j'ai eu cette expérience-là, genre, en écoutant Straight Outta Compton à Washington pendant les vacances. Le voir, avec le gars qui était dans le fond, pis t'as une scène super, genre, t'as un gars qui se fait shotter, pis t'entends juste le gars dans le fond qui est comme, oh, snaps! Moi, j'ai juste super fort, pis tout le monde dans la salle, c'est comme, oh boy. Moi, j'ai eu ça à Orlando, dans le, c'est pas Universal Studios, c'est Islands of Adventure, dans le ménage de Hulk. J'avais deux filles à côté de moi. I'm about to have a heart attack! Tout là. Ouais, mais moi aussi, je pensais que je suis mais dans le fond, mais c'était mes deux films que j'ai vraiment fait wow à date cette année. Mais j'ai pas vu Mad Max, j'ai pas vu Turbo Kid. C'est deux des films que je veux voir là, Jurassic sûrement World, cette semaine. Jurassic World, je l'ai pas vu encore, moi c'est non vrai. Plus. C'est dommage, hein, mais moi j'ai une question pour vous. Selon les box-office. Mettons, Guillaume, toi qui es bon pour faire des recherches, tu vas sur Box Office Mojo. Il aurait pas juste gagné mettons pour une semaine. Mettons, tu Mad Max, Jurassic World, Avengers 2, l'excellent film de Trainwreck d'Eric. Ouais, c'est ouais. Sûr que ça gagnait, ça. Puis Kung ben, Fury comment d'Alex. Comment s'appelle, donc? Amy Kung Schumer, Fury, elle a eu beaucoup de slut-shaming, au moins, à son égard. Fait qu'elle a gagné au moins ça. Ouais, mais elle a quand même... touché à Star Wars, okay. Ce que tu ne fais jamais. Oh. Donc, Guillaume, qui a gagné selon les chiffres de Box si Office Mojo? Si on y va, seulement selon The Big Fat Money, Jurassic World, à près de 200 millions d'avance, 180 millions, sur près de... Moi, je sais. Sur je Avengers sais. Age of Ultron. Combien? 180 millions? Ouais, attends, c'est quoi? C'est 10 piastres un billet de cinéma? C'est 180 000 personnes. En fait, 000 du monde, personnes. Pareil, ça. Et mais moi, Mad je pense Max, que c'est les fanboys de dinosaures qui sont allés voir Mad plusieurs. Mad Max est en 9e position à 152 885 000, ce qui est à peu près de 500 millions plus bas que Jurassic World. Qui est en dessous de Ant-Man aussi, je dois mais, dire. Mais, oui, André, Ant-Man. Combien de temps que tu vas voir des amis et tu dis « Hey, t'as pas 30 minutes, on peut écouter quelque chose sur YouTube, Kung Fury. » Ça, ça va rester. Personne va dire « Oh, Jurassic World. » Mais tu c'est sûr voir. Que dans on quelques que années, il n'y a jamais on personne. Peut aller voir, on peut aller voir si la discussion World, était Rotten Tomatoes. Box up, ouais, non, c'est vrai. Ah, mais là, tu vas regarder des codes d'appréciation. Moi, je te parle de dollars. Le oui, box non. Office, c'est mais, un dollar. Mais... C'est tout le temps des dollars avec toi, André. C'est... Oui. Wow. Pour les films, oui. André, c'est un businessman. Non, mais quand on a fait ça, un blockbuster, qu'est-ce qui définit un blockbuster? Hey, King, regarde. Va donc sur Wikipédia ouais. Voir qu'est-ce qui définit un blockbuster. Attends, va sur passant, Urban Dictionary Guillaume, voir ce qui est un blockbuster. Regarde pas sur Urban Dictionary. Check-les après. Je sais en passant, Guillaume, moi aussi, mon film de l'été, c'était Mad Max. Mais j'ai vraiment hâte de le voir. La définition. Moi, c'était comme, oh non, ça m'intéresse pas. Puis après ça, j'ai a blockbuster is defined as a thing of great power or size in particular a movie, book or other product that is a great fait commercial great success. Power. A great commercial ouais. Success. Fait que moi, non seulement qu'au box-office, c'est un success, mais il y a eu des bébelles. T'as-tu eu des bébelles de Mad Max? Ouais, il y a des bébelles. Il y a un jeu qui va sortir. Il n'y a même pas de jeu de Jurassic Ah, mais il n'est même World. Pas relié au film, le jeu de Mad non, Max. Non, non, produit dérivé pareil. Mais il n'y a pas de boîte ouais. À lunch. OK. Il n'y a pas de boîte y à pas lunch. Il n'y a pas de plaster. Il n'y a pas de plaster. Guillaume, s'il te plaît, frappe son sunburn. Je suis sûr qu'il y a des boîtes à lunch en quelque part de Mad Max, par exemple. Probablement. Mais à beaucoup plus petite échelle. Mais y a-t-il des boîtes à lunch de Passion of the mais Christ? Mais je dois dire quand même, sûrement avec des chapeau thermos. À Trainwreck, qui est en 12e position à 102 millions. Il a passé la barre des 100 millions, Trainwreck. Ce qui est quand même bon. C'est quand même cool, pareil. Peux-tu me donner les 5 premiers, c'était quoi? 5 premiers. Jurassic World, Avengers, Inside Out, Minion, Pitch the Perfect. Pitch Perfect. Ouais, mais Pitch Perfect, ça me surprend pas. Oh, Pitch Perfect, pas. Les deuxièmes étaient horribles. Ça compte pas. Ah, parce Inside que le premier était vraiment bon. Inside Out, c'est était pas pire. CGI cartoon movie. Ça pouvait être, ouais, Minions, ça pouvait être Inside comme Out, pire Disney. Que ça. J'ai ri deux fois parce qu'il y avait le gars de Workaholics là-dedans, puis moi, je lui trouve drôle. Je lui trouve drôle. I find him funny, non? Je le trouve drôle. Bienvenue à Apprendre le français avec Alex. Hey, là, ouais, là, I Chuck, là, on va sûrement finir là-dessus. En fait, j'ai une dernière question, puis je veux faire plaisir à Nicolas. Non, mais I Chuck, là. Oui. Il a raison. Qu'est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce qu'il dit? Le fucking best produit dérivé ever appartient à Mad Max. Il y avait un fucking char grandeur nature au Comic-Con. Ouais, ah, mais c'est pas un produit dérivé. Il y avait-tu un dinosaure grandeur nature au Comic-Con? Il y a un point, il n'y avait pas de dinosaure au Comic-Con. En fait, on parle de quel Comic-Con? San Diego, il San Diego, je suis pas mal sûr qu'il y avait pas mal plus de dinosaures que de Mad Max. Mais à San Diego, il y avait un gars qui jouait de la guitare et qui crachait du feu aussi. Mais... qui était Conan O'Brien. Mais j'ai quand même gagné un dollar. Donc, prochaine question, Nicolas Ottawa. On a 17 minutes à ça, puis on va terminer avec cette question-là parce qu'elle est excellente. Donc, merci Nicolas de nous avoir posé cette question-là. Et donc, la question est la suivante. Hollywood veut faire un film sur Geek Collectif. Qui serait le réalisateur et qui jouerait vos rôles? George Start. Fucking Miller is the réalisateur. C'est qui déjà George Miller? The guy from Mad Max. Le gars qui a fait moi. Non, ça fait pas. Okay, Ray Liotta. Mais non, mais on n'est pas Mad Max. Non, mais tu veux-tu quelque chose on de réel ou quelque chose de fake and CGI? Ok, mais t'as peur. Du Soul ou tu veux du Anakin Skywalker par le dude de Vancouver qui sait pas. C'est qui le gars qui a réalisé The Hangover, là? Which pas, one? Je sais pas son nom. Ok, le premier. C'est là. Sûrement les trois. Ou le gars qui a réalisé Superbad. C'est pas Apatow? Bon, ben, ouais. Ok, ouais, mais regarde. Judd Apatow. On est pas mal plus proche de Judd Apatow. T'as raison. Fucking Mad Max. Le collectif, c'est pas. Todd Phillips qui a réalisé on Hangover. On peut avoir Seth Rogen qui joue Milter. Moi je pense que c'est quoi? Il se ressemble pas. Moi je pensais Christopher Walken. Non mais Galifianakis ferait un bon barbe. Milter, man. Non. Greg Motola est le réalisateur de Super Bad. Ok guys, ben, on va régler ça simple. Vous avez le droit de choisir qui fait votre rôle. Jared Leto. Non. Jack from Will and Grace. Non, mais tu sais, je verrais plus le gars qui fait Bane, là, qui a fait Mad Max. Oh, wow! Oui, exact. Coudon, t'es-tu payé par Mad Max? Non, mais j'ai même... des pans dans le film. Alex a parlé de Mad Max. Moi, j'ai parlé de Bane pour Milter. Miller, il paye pour qu'il vienne. C'est quoi, Tom Hardy? Tom Hardy, Milter. Then I'm Colin Farrell. Attends un peu. Tom Hardy ferait Milter? Ah, hey, n'importe quand. Ah oh, ouais? Possible, ce serait un role challenging. Tu vois, moi, je prendrais peut-être un young Christopher Lloyd. Tu sais, il était bon dans Fétide Adam. Je le vois chéri que de barbe. Toi, t'es un young Ray Liotta. Ray Liotta. Ah oui, ouais. Ça, ouais, je le verrais, ça. J'avoue. Ah ouais? Dans Goodfellas, ouais. Ah ouais? Tu sais, quand il rit. How am I funny, like a clown? Ouais. Young Colombo. Les autres, ils t'en voient pas. Non, mais attends un peu, là. Fait, OK, attends, on y va premièrement. J'essaie de penser. Qui réalise? Attends, quel studio distribue? Moi, je pense que Claremont est un Searchlight. Moi, j'aurais été Miramax, là. You go big or you go home. Non, Paramount, esti. Ben, on est un Fox, man. Ouais, Fox, j'aurais plus Fox. On fit dans... On serait un Fox, presented Fox Searchlight, je suis d'accord. Il y a pas juste Fox News. Paramount, soit ça, ben, un... C'est quoi la putain de maison de production, là? C'est quoi, Sandville? Non, pas Sandville. On est un VVS. Quel film? Mais, fuck. Il y a un logo, c'est genre plein de ronds mélangés ensemble, là. Les Olympiques. Non, c'est pas les Olympiques. Fuck! Ils sont affiliés avec Nerdist. Ah! Pas 20th Century Fox. Non. Je le dis pour la sortie. Ouais, c'est pas ceux qui ont acheté Nerdist, tu disais? Epic. Oui, ceux qui ont acheté. C'est ça, ils sont en partenariat avec Nerdist. Là. Ils commencent à faire bien des films, là, puis ils sont quand même cool, ce studio-là. Ça pourrait être le fun. On pourrait être cool avec eux autres. Je suis en train de chercher, mais. J'ai un fucking blanc de mémoire, puis j'ai ça. Je pense pas qu'on trouve à temps. Donc, ok, mais en tout cas, regarde, ça, c'est le studio. Qui réalise? Kevin Smith. Oh, oui, je suis d'accord. Oh, ouais. Hey, fuck, man, Kevin Smith, j'avoue qu'il ferait un fucking bon... Il catcherait le vibe tout de suite. Puis on aurait un écrivain puis un réalisateur en même temps, ça convient de sauver la moitié du en salaire. En plus, ouais, il est capable de faire ça. Puis Jason Mewes pourrait faire Guillaume. Ouais. Ah, moi, j'aurais plus dit l'autre, là, le grand brun dans... Le dans gars Mont dans Rats. Clerks. Dans, le first clerk dude dans Clerks, que je sais pas son nom. Non, pas Clerks. Honnêtement, je sais qui tu parles, mais lui, en passant, j'aurais plus vu lui parce qu'il y a... Jason Lee qui est le gars de Clerks. Ouais, Jason Lee. Ah, j'avoue que Jason Lee ferait un bon guion. C'est un grand brun. C'est pas lui dans Clerks? Non, c'est dans Mallrats. Ah, Chris, ouais. Je mélange les deux. Celui qui fait la main, la poignée de main. Jason Mewes pour moi? Non, moi, je... Non. Dans Clerks, il y avait un gars qui aurait pu potentiellement être dit, c'est Brian O'Halloran. I'm for sure it's... Non, toi, c'est... The gay clothing guy. Come on in. C'est quoi son nom, là, le gars là qui faisait le Robin, pas Robin, dans The Dark Knight Rises? Chris O'Donnell? Non, non, ça c'est... Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. You're fucking Joseph Gordon-Levitt, man. I dig that. Ça ferait un bon Alex. J'avoue. Moi, dans le temps, le gars dans Third Rock from the Sun. C'est ça, ouais, lui. Ouais, non, il te comprendrait très bien. Nightwing. OK, qui joue Milter? Patrick Huard. Il y a bien du monde, il me le disait dans le temps. You know what, Tom Hardy. C'est parce qu'il faisait une film, il y avait un rôle qui faisait le comme genre le strongman. Ben, mais ça, je suis pas build comme lui. Il y a du monde du chat. Antoine dit Matt Damon pour Milter. Matt Damon. Ben, je suis capable déjà. Milter, non, je t'avoue. Moi, je pourrais jouer Matt Damon. Donc, Seth Rogen ferait un bon Milter, man. J'avoue. Il faudrait que c'était la barbe. On l'a jamais vu avec une barbe. Un genre de Seth Rogen stoner avec une s'appelle, barbe. Ben, si on parle de stoner, peut-être c'est quoi, what's his name? Pineapple Express. James Franco. Ouais. Hey, j'avoue que Franco qui ferait un Milter, il pourrait faire. Mais attends, là, on oublie quelqu'un de taille, là. Eric est John pas là. Candy, man. John Candy, all the way. John fucking Candy, il c'est pas le mort. Sosie ah, c'est d'Eric. Chris Farley qui est mort. John Candy aussi, ouais. Ils sont tous morts. Non, il y en a un qui est pas mort, là. Jack Black, il ferait Eric. Jack Black ferait un fucking bon Eric. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ouais, okay, ferait okay. Même face d'excité. Ouais. Moi, je pense que, honnêtement, on va faire le. On va poster l'épisode. On le dira pas à Eric parce qu'il écoute pas en ce moment. Mais le thumbnail de l'épisode, ça va être. Je vais photoshopper la face d'Eric sur le corps de Jack Black, puis ça va être ça. Imagine Jack Black, Eric. I love that song. C'est Eric, tu fais. C'est carrément Eric. Ok. J'ai peur de le dire. Moi, qui me joue ben, moi. J'avoue que le Ray Liotta, il a toi, ta face avec les Ray yeux. Liotta. J'ai mis plusieurs photos dans notre ben, chat. Moi, j'aurais le gars le qui premier joue. Est excellent. J'ai oublié son nom, là, mais il va jouer à Deadpool. Là. Ryan Reynolds. Si ouais. Ryan Reynolds, il avait une barbe. Si Ryan Reynolds avait une barbe, là... Ryan Reynolds? Mais, j'ai hâte de voir la réponse des auditeurs, mais qu'on poste les... En ce moment, on en a, mais qu'on poste l'épisode, voir qu'est-ce que les gens... André, c'est Ben fucking Affleck, et Milter, c'est Matt Damon. OK, fait que Ben Affleck, vraiment... Non, mais Sam, t'es trop pâle pour... Non, wait, he's right. Non, Ben Affleck, peut-être, ouais. Mais... That dude from the fashionable male? Batman. Jiggly. Je suis Batman? T'es Batman. Oh shit, attends. Même Ben Affleck, on a quelque chose en commun. Check, tu vois le lien, là? Tous les acteurs qui se font dire, là. Ouais. Puis avec Kevin Smith, en plus, qui produit. Fait que ce que les auditeurs veulent dire, c'est que je suis Batman. Ça se peut, là. Fait que dans le fond, Geek Collectif, le film, c'est Batman vs. Superman qui sort bientôt. Attends, est-ce qu'on vient de confirmer Half-Life 3? Eh, je pense que oui, moi. Fait que... OK. Half-Life. Envoie-moi votre liste, je vais faire le poster. OK. En Photoshop. Je suis d'accord. C'est sûr que ça va être Ben Affleck, I'm sorry. Ah non, pas Ben Affleck, come on. OK, bon, ça peut être Ben Affleck. J'avais vu Ryan Reynolds, il fitait plus. Moi, je suis Affleck. Je sais pas. Mais j'avoue que Ryan Reynolds, en Deadpool, ça fait André. Ouais. Mais en tout cas. Mais c'est drôle parce que Guillaume me fait penser à quelqu'un. Je suis comme, oh, c'est qui? Le gars dans Mallrats. You got the beeper. Too late. Donc, on est trop tard, mais donc c'est la fin de cet épisode du Blitz. Peter comment vous avez Griffin. Aimé ça, guys, cet épisode enrichissant du Blitz? Ce fut enrichissant. C'est toujours le fun, des petits Blitz. C'était fun quand ça coupe, puis il faut vraiment comme changer de sujet. C'est le meilleur bout. Mais j'aime le fait, justement, où on sait pas trop à quoi s'attendre, puis on n'a pas screené les questions. On est allé vraiment ad lib, je choisissais au hasard, il n'y a pas eu aucune préparation. J'aime ça l'impulsion probablement. Dans un sens que j'ai pas le choix de répondre impulsivement et de dire vraiment ce que je... Là, j'ai pas le temps de réfléchir à ma réponse pendant 3 jours. Non, c'est ça, c'était vraiment intéressant. Eric, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'ai bien aimé la diversité des questions, honnêtement. T'sais, des fois, on pourrait se ramasser une soirée où c'est quoi ta meilleure console? C'est quoi ta deuxième meilleure console? C'est quoi ta meilleure console next-gen? C'est quoi ta meilleure console néo-rétro? Au moins, il y a de la diversité. T'sais. On a vraiment touché au cinéma, on a touché aux jeux vidéo, on a touché à la bière, on a touché à plein de sujets différents. Puis ça, c'est le fun. Le snacking, la dernière question était... Parce qu'on a des bons fans. On a des fans qui ont des passions. On a des bons fans qui ont répondu en 24 heures aussi également, puis c'est ça qui est généreux. Puis je pense que c'est les mêmes bons fans qui vont sur notre page iTunes et nous laisser des commentaires 5 étoiles. Je pense que 5 étoiles, c'est une bonne façon d'apprécier un podcast. Laisser un commentaire, c'est notre paye à la fin de la journée. C'est ce qui nous permet de se faire voir, c'est ce qui nous permet de se faire retrouver. Puis il y a plein de commentaires drôles. Je pense que c'est ces mêmes fans-là qui nous laissent des commentaires de 5 étoiles sur iTunes, mais qui vont aussi partager la page du collectif, la page Facebook, qui vont interagir avec nous, qui vont la partager leur entourage. Et dans le fond, on est des amis sur une table, puis c'est comme ça que les conversations se passent. C'est tout random tout le temps. Fait que... Mais en fait, l'épisode qu'on a fait ce soir, c'est carrément mon genre de mardi soir que j'aurais passé s'il n'y avait pas des micros. J'avais discuté avec des amis à propos de films, de téléséries, de jeux ou autres. Merci, guys. Merci de votre bonté, d'avoir participé avec nous. C'était vraiment intéressant. Geek Collectif, ça serait rien sans ses auditeurs. En fait, ça serait 4-5 épais en arrière des micros qui parlent pour rien dire. Mais c'est le fun de pouvoir partager avec vous autres. Vous nous faites apprendre un paquet de trucs. Vous nous faites découvrir des trucs. C'est vraiment plaisant. Guys, les gens qui voudraient interagir avec vous. Alex, les gens qui voudraient parler avec toi? Sur Facebook, alex.greco, A-A-L-E-X. Et aussi SuperJoker86 sur PSN, puis... Place, just Super Joker 86. Find me. Merci beaucoup, Alex. Milter, les gens qui voudraient interagir avec toi? Zombie Milter sur Twitter, Jonathan Milter sur Facebook et Milter 187 sur Xbox, PS Network et Steam. Guillaume! On va tout simplement sur le www.guillaumehamel.com. Il y a plein d'informations et toutes mes informations de réseaux sociaux, que ce soit traditionnel ou en jeu, sont là. Merci beaucoup. Pour ma part, André Baquette sur Facebook. Sinon, OzumakiQC sur les plateformes de jeux vidéo, ou sur Twitter et sur Instagram aussi également. Donc, nous sommes Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion québécoise, francophone, bilingue, nationale, québécoise, mondial. Franco-mondiale. Disponible sur iTunes, geekcollectif.com, sur Stitcher Radio, un paquet de trucs. Merci d'être avec nous. On traite de culture geek, de culture passionnée à chaque semaine. Donc, de retour dans 2 semaines. Et sinon, ben, encouragez-nous avec votre code de 5 étoiles sur iTunes et le partage de notre contenu. Vous pouvez également porter des t-shirts si vous en avez. Si vous nous croisez dans la rue, on va vous en donner, ou des stickers, peu importe. Merci de partager. Merci de faire du bruit pour Geek Collectif, parce que sans votre bruit, sans votre monnaie sociale, ben, on va être juste 2-3 tweets qui parlent. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous laisser vos commentaires sur le site web aussi. C'est toujours fort apprécié. Excellent. Merci beaucoup à tous. On se revoit dans 2 semaines. Ciao.